On va faire l'introduction à la Genèse. Donc, on va se mettre dans. Essayer de se mettre autant que possible, se mettre dans l'ambiance de l'activité de la Genèse. Ce matin, j'ai écouté un pasteur francophone français, je veux dire. La question lui a été posée. Puis je connais le monsieur, il est déjà venu dans des cours. Puis la question était. C'est quoi le blasphème du Saint-Esprit? Je dis, je vais aller voir quelle est la position des évangéliques en France sur le blasphème du Saint-Esprit. Puis là, il lit le petit verset. Là, il dit, on apprend tous à l'école le contexte, c'est ça qui est important. Il dit, bon, on va voir. Il n'est pas vraiment tenu compte du contexte. Mais sa réponse est à bord. Il dit, tu n'arrives pas toujours au côté de la coche si tu ne suis pas le contexte. C'est juste plus dangereux de s'éloigner. D'emmener des choses qui ne sont pas vraiment dans le texte. Lui a débordé, finalement, il s'est ramassé avec un paquet d'autres affaires, mais finalement, s'il avait juste interprété, je trouve que ça aurait été plus facile d'interpréter le texte seulement, ça aurait été moins de confusion que de donner toutes les autres affaires, puis ça aurait été moins compliqué, à ce que je pense. Mais, comme cette semaine, on a rencontré nos amis les Mormons, et d'autres, ils étudient hors contexte, puis c'est pas à peu près. Pas à peu près. Les autres, ils ne tiennent pas compte. Puis ils disent que ce n'est pas important d'étudier dans le contexte. L'important, c'est d'étudier par thème. On a un thème sur Dieu, un thème sur la foi, un thème sur le pardon, mais tu n'es pas obligé de lire les livres pour comprendre. Et c'est pour ça que je crois que pour nous autres, c'est important, autant qu'il est possible, de se rappeler le contexte quand on lit un livre ou quand quelqu'un enseigne, si quelqu'un, vous écoutez des choses des fois sur audio, sur vidéo de d'autres personnages, s'il ne donne pas le contexte avant de commencer à enseigner, il faut s'allumer une lumière jaune dans votre tête. Il va-tu me dire vraiment ce que le contexte voulait dire? Ça va peut-être être faux ce qu'il a dit, mais ça va peut-être pas ça que le texte est en train de dire. Des fois, on amène d'ailleurs une vérité qu'on amène dans le même contexte. Ça peut être vrai parce qu'on amène la vérité d'ailleurs. Mais ça reste une vérité, même si je la promène. Mais ça ne veut pas dire que. Mais si tu me dis une vérité d'ailleurs, tu ne me dis pas la vérité qui était là. Tu manques le bateau. Tu ne me donnes pas ce que l'auteur voulait dire. Donc, nous autres, on va essayer de se mettre dans la peau des gens, comme un peu on avait fait dans l'Apocalypse. On va essayer de se mettre dans la peau du peuple hébreu. Qui reçoivent la Genèse. Je disais ce matin différentes idées sur la Genèse. Et sur Google, quand tu fais, mettons, qui a écrit la Genèse, je dirais 99% ils prennent une position libérale. Ça a été écrit par plusieurs auteurs à différentes époques, puis on a rassemblé ça dans un livre qui s'appelle la Genèse. Mais ce n'est pas Moïse qui l'a écrit vraiment. Pour les Juifs, c'était écrit plus tard. Les positions libérales qui sont les plus en mode aujourd'hui, c'est toutes des positions que les livres sont plus jeunes qu'on le dit. Donc, comme les évangiles ont pu être écrits 200 ans après la mort de Jésus, puis ça n'a pas été écrit vraiment dans l'époque par des gens, comme mettons les livres d'Ésaïe, ça pourrait être écrit plus vieux. Ça, c'est des pensées libérales. Et donc, quelqu'un qui cliquerait dessus le Google, puis dirait, c'est quoi? Il va avoir, si c'est pas tricoté un peu, il va se faire avoir, il va se faire dire que le livre, c'est pas Moïse qui l'a écrit, c'est pour une autre raison. Et il s'appuie sur quoi ces gens-là pour dire que ça a été écrit? Mettons les évangiles 200 ans après. C'est parce que ces gens-là, en partant, ils ne croient pas que la Bible est un livre qui vient de Dieu. Ok, c'est pas des chrétiens, donc, ils disent ça. Ah. Donc, les autres, ça ne vient pas de Dieu. Donc, ils essaient d'expliquer par des données humaines, parce que s'il y a des prophéties, vu que ce n'est pas de Dieu, ça ne peut pas être avec. Comme les livres de Daniel, par exemple, c'était écrit, mais après que les prophéties soient arrivées. Tu sais, et Dieu a dit, le gars a écrit qu'il y avait une prophétie qui s'en venait, mais il l'écrit après qu'elle est arrivée. Donc, un peu les Mormons font la même chose, les autres, ils vont chercher les prophètes des Mormons, dans le livre de prophètes, ils commencent 600 ans avant Jésus. Et quand Joseph Smith va écrire, il cite quelque chose qui n'était pas là dans le temps. Et lui, il l'écrit comme étant vieux. Puis Il dit que ça annonçait la venue de Jésus. Mais pourquoi moi, Jésus ne l'a pas cité, ces livres-là? Pourquoi les apôtres ne les citent pas? Pourquoi les Anciens Testaments ne les citent pas, ces livres-là? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que Joseph Smith dit que ça a été écrit par ces gens-là, mais c'est... Des fois, ils ont des preuves physiques, comme je disais dernièrement dans une revue Québec Science, puis ils disaient qu'il y a une pierre qui s'est écrite dessus, c'était à Babylone, dans le coin de Babylone, le plan pour l'Arche de Noé, puis nous, on a le modèle traditionnel, mais que le plan qui était écrit, c'était comme en rampe, en tout cas. Et quand tu lis ça, là, ça a l'air comme vrai, là. Faut que tu compares avec les Écritures. Si tu peux comparer avec les Écritures, la Bible ne dit pas qu'il était certainement pas en rond, parce qu'il donne deux longueurs, c'est un rectangle. Il dit qu'il était 150 coudées de long par 50 coudées de large. Ça ne peut pas être rond, ça. Oui, mais c'est comme si les autres, ils font sortir qu'il y a eu plusieurs pensées d'arches de l'époque, donc celle-là, mais que Noé, c'est une parmi tant d'autres. Oui, ben, si, c'est ça, mais faut que tu compares les données avec les données de la Bible. Si la Bible n'a pas donné de données, si la Bible a dit Moïse a fait, Noé a fait un bateau, puis il ne nous donnera aucune donnée, là on pourrait dire on peut mettre ça en haut. La plupart le mettent en comme ça. En comme ça. Rectangle, mais comme ça. En pyramide. Comme genre de pyramide. C'est pas. Notre vieux bateau, à d'autres, on voit là, comme un bateau moderne. Hein? Avec un toit, là, avec les animaux qui sortent les coups par les petites fenêtres. Mais ça, c'est plus moderne. Mais ce qu'on a dans les Écritures, c'est la largeur par la longueur par la hauteur. Puis il dit, tu vas faire trois étages là-dedans. Puis il y a juste une fenêtre. Puis il y a une fenêtre en haut pour laisser rentrer l'air, ou faire circuler l'air. Puis ça, c'est pas le même qu'il n'y aurait eu d'autres, mais il dit, une fenêtre en haut. Ça, c'est ça qu'on a. Donc, à partir de là, je peux me donner une idée. Mais de là, maintenant, si je compare avec les données scientifiques, je dis, mais vous avez bien dit ce que vous voulez, mais moi j'ai la Bible. Je compare vos données avec la Bible. Puis moi, vu que je crois que la Bible vient de Dieu, j'ai plus confiance à ce côté-là. Mais en même temps, je n'en ferai pas une bataille théologique, parce que ça n'a pas vraiment d'impact sur la personne de Dieu, sur ma théologie, ma croyance par rapport à Dieu, à Jésus-Christ, dans ce sens-là. Donc, nous, on va essayer de se situer un peu dans quand c'est écrit, qui l'a reçu, pourquoi il l'a écrit Moïse. Parce que moi, je ne vais pas débattre que c'est Moïse qui l'a écrit, parce que je crois qu'on croit que c'est Moïse qui l'a écrit. Et Jésus, même Jésus va citer, les apôtres vont citer, que Jésus va dire, Moïse ne vous a-t-il pas dit? Et lui, il dit que Moïse a écrit quelque chose, au moins. Et quand on voit ce qu'il a dit, on va dire, David, vous a-t-il dit dans les psaumes? Donc, on sait que David a écrit les psaumes, parce que Jésus en parle. Donc, on a des certaines références. C'est une des raisons pourquoi on ne croit pas, mettons, au livre apocryphe dans l'Ancien Testament, parce que Jésus ne les a jamais cités, les livres apocryphes, les apôtres ne les ont jamais cités non plus. Donc pourquoi on s'en préoccuperait si Jésus n'en est pas préoccupé, ni les apôtres. Donc, mais les apôtres et Jésus ont quasiment cité tous les livres de l'Ancien Testament qu'on connaît. Donc tu dis, ça donne un appui, là, si je crois que Jésus était Dieu et qu'il disait la vérité. Donc quand je dis, Jésus dit, David vous a-t-il pas dit dans les psaumes? Ben, je me dis, bon, Jésus croyait que David avait écrit les psaumes, au moins, quelque part. Donc c'est. Puis qu'il a dit, Moïse vous a-t-il pas dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a fait l'homme et la femme. Puis bon, il semble citer ce que Moïse nous a dit. Donc ça nous donne une bonne idée. Donc on va commencer par un mot de prière. Et ensuite, on va ensemble regarder ça. Notre bon Père du ciel, il est important pour nous, en tant que tes enfants, de bien comprendre ce que tu vas nous dire dans ces quelques chapitres qu'on va étudier ensemble dans la Genèse. Le monde dans lequel on vit nous propose toutes sortes d'idées, toutes sortes de théories, toutes sortes de soi-disant vérités. Mais nous devons toujours comparer avec ce que tu nous as dit, toi. C'est ça qui est important pour nous, tes enfants. Qu'est-ce que tu nous as dit en ce qui concerne ton peuple? Donc, on te demande que ce que tu puisses nous diriger par ton Esprit Saint, nous aider à l'appliquer dans nos vies et à te glorifier avec ça. Amen. Quand vous entendez le mot « Genèse », vous pensez à quoi? Ça veut dire quoi pour vous dans votre tête, Genèse? Le commencement. Le début. Début. La création. Création. Origine. Si vous dites la genèse de ce projet-là. L'origine. C'est le départ. Oui, mais ce n'est pas juste départ, ce n'est pas juste origine, c'est comment les origines se sont passées et comment le départ s'est fait. Ce n'est pas juste, je te parle d'un départ, mais aussi du comment ça va se faire, ce départ. Je ne peux pas juste te citer des faits, mais je te donne, que, comme ici c'est le départ, nous on a tendance à penser le départ du monde, mais l'auteur ne l'écrira pas dans cette pensée-là. Il va l'écrire plutôt dans l'idée des origines d'un peuple, les raisons d'un peuple. Nous sommes, nous, les Hébreux ou les Juifs? Qui sommes-nous? Et qu'est-ce qu'on vient faire ici? Qu'est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on fait ici, dans le désert, là? Non? Donc, il va, c'est les origines, puisqu'on va voir le mot « genèse » là-dedans, il y a le mot qui veut dire « commencement », mais il y a le mot qui veut dire aussi « gène », les origines de quelque chose, les gènes d'une nation. Nous autres, on a des gènes dans notre corps, dans la race humaine, il y a des gènes, c'est le mot qui est « les gènes d'un peuple ». Donc, c'est important qu'on comprenne, c'est pas juste les origines. Nous, on a été, peut-être comme vous autres, on a été élevés dans la foi. Quand on allait dans Genèse, c'était pour débattre avec les évolutionnistes. Ouais. On n'allait pas chercher, on n'allait pas lire Genèse pour être instruit sur les origines, les débuts. C'est plutôt qu'on allait voir là, puis là, on débattait. J'étais allé à des cours sur la Genèse, j'étais allé à des conférences sur la Genèse. C'était souvent des débats sur. Qu'est-ce qui est le mieux, la théorie de l'évolution ou la théorie de la création? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le plus plausible? Mais quand Moïse l'a écrit, il n'y avait pas ça en vue, pas en tout. Lui, il n'avait pas à débattre la création. Tu viens de dire la théorie de la création ou oui. La théorie de l'évolution? La théorie de l'évolution ou la théorie de la création? La création, ce n'est pas une théorie. Pourquoi je dis ça, vous pensez? Je vais t'expliquer pour le dire. T'écoutes bien, ils vont, t'es en tête, t'écoutes. Ouais, tout le temps. Pas tout le temps, mais j'aurais compris. Je dis ça parce que t'as l'air, c'est lui qui a lancé la job. Le mot théorie, ça veut dire c'est quelque chose que je ne peux pas prouver en laboratoire. Je ne peux pas aller m'amener en laboratoire pour prouver que Dieu a créé le monde. Donc, dis-moi, je crois la théorie de la création, puis toi, tu crois la théorie d'évolution. Parce que les deux, on ne peut pas aller dans un laboratoire. Scientifiquement, là, je ne peux pas prouver que Dieu a créé l'univers avec rien. Je le crois. Je crois que c'est la meilleure théorie, mais je ne peux pas la prouver. Je ne peux pas la démontrer scientifiquement. Okay, donc, c'est ça que j'appelle ça théorie. Vous allez l'entendre. Je vous dis exprès, puis vous allez entendre ça, même chez les croyants. Parce qu'habituellement, tous les croyants vont dire un peu comme ils vont, on réagit et dire Oh, nous autres, c'est la vérité, ce n'est pas une théorie. Là. Parce que théorie, pour nous autres, c'est faux. Une théorie n'est pas toujours fausse, par définition. C'est une théorie, puis ta théorie peut être bonne. Mais c'est juste une théorie parce que tu ne peux pas le prouver. Tu ne peux pas le démontrer scientifiquement que c'est ce que tu dis, c'est vrai. Donc je pourrais dire, il y a une théorie qui dit que l'univers n'a pas de fin. Mais je ne peux pas te le prouver. Il y a une théorie qui dit ça. Mais je ne peux pas te le prouver. À l'inverse, tu peux beaucoup le comprendre. C'est ça, ouais, mais c'est une théorie. Donc, moi, je pourrais avoir une théorie contraire. Mais tu ne peux pas me prouver qu'elle est fausse la mienne. Puis moi, je ne peux pas te prouver que la scène est vraie. Mais ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on regarde quelle théorie fait le plus de sens avec ce qu'on sait, avec ce qu'on voit, avec ce qu'on vit. C'est ce qui fait. C'est-tu plus logique de penser qu'on vient d'une explosion ou si c'est plus logique de penser qu'on vient d'un créateur, un être intelligent? Donc on peut débattre plus facilement. Okay? Donc on va commencer par se poser la question sur les récepteurs de la Genèse. Qui a reçu la Genèse? Qui? On va se poser la question, on va essayer de définir c'est qui ces gens-là. Et ensuite ça, on va voir l'auteur, Moïse. Et ensuite ça, on va voir la raison. Okay? Donc, le peuple hébreu, les origines de ce peuple-là, d'où est-ce qu'on vient, nous, les Juifs? C'est quoi la différence entre les Hébreux et les Juifs? Les Juifs, c'est absolument quand on dit les Juifs, les Hébreux. Les Juifs, la foi juive, le peuple hébreu. Le mot, non, c'est les Juifs, on dit souvent, c'est la foi juive. C'est peut-être plus une croyance, une définition de croyance, okay. Que le peuple hébreu, c'est plutôt une race. La race des Hébreux, le peuple hébreu. Okay. Donc, dans les Juifs, ils sortent du peuple hébreu. Parce que quand on a commencé, au début, quand on commence, on va voir qu'ils appellent des Hébreux. Mm-hmm. Mais après ça, ça devient, quand Jacob rencontre Dieu, il va l'appeler, tu vas t'appeler maintenant Israël. Mais là, ça devient, là, ça change, ça devient des Juifs. Là, on va dire, il est de foi juive. Okay. On va dire, je pourrais être de foi juive et d'être un Québécois. Là. Parce que comme les persécutions qu'il y a eues, là, c'est les Juifs qui sont persécutés ou les Hébreux, c'est les Juifs? Parce que autant de Jésus... C'est la religion qui est touchée. Autant de Jésus, la langue hébreu n'existe plus depuis longtemps. Personne qui la pratique. Mais le peuple est encore là. Le peuple, oui. Mais il est tellement mélangé à travers les siècles, il est tellement mélangé avec les races. Donc, c'est plus ce qu'était au début, comme notons Abraham. Abraham qui était, tu pars avec ça, ou avec, tu pars plus loin avec Adam et Ève. Mais au temps d'Adam et Ève, tu te présentais pas hébreu, là, tu sais, ça n'existait pas les races à ce temps-là. Quand tu parles du peuple hébreu, tu parles de quel pays? Tu ne parles pas d'un pays, tu parles juste d'un peuple. C'est un peuple qui a finalement hérité le pays de Canaan, qui va s'établir là. Là, le pays, c'est Canaan. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Israël. C'est ce qu'on appelait. Mais les Hébreux sont venus s'établir au pays de Canaan. Les Hébreux, ils arrivent d'Adam et Ève, là, oui, jusqu'à un certain point, si on verra, ils viennent des descendants de Noé, mais Noé vient d'Adam et Ève aussi. Là, ouais, ça. Ultimement, tout le monde vient d'Adam et Ève. Ça vient d'Adam et Ève avec les Arabes. Oui, puis non. Parce que les Arabes viennent du même père, Abraham, que les Hébreux, qui viennent d'Abraham aussi. Isaac vient d'Abraham, mais Ismaël vient d'Abraham aussi. Les Hébreux, on pourrait-tu dire que c'est... Mais c'était pas mon intention de parler de ça après-midi, là? Vas-y. C'est correct. On voit dans le feu, pour ça. Vas-y. On pourrait-tu dire que c'est les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Oui. Parce que, ça, à un moment donné, on va voir un peu, il y a des mini-fins du monde dans la Bible. C'est comme, quand tu arrives, mettons, au déluge, c'est une mini-fin du monde. Il en reste juste 8. D'abord, ça repart avec ça, là. Ça repart avec Noé. Puis avec ses trois gars, ses femmes. Après ça, il y a une autre mini-fin du monde avec la tour de Babel. Ça arrête, il détruit pas, mais tout le monde s'en va sur toutes les barres. Là, ça recommence. Là, quand tu veux suivre les généalogies, là, c'est plus rough. Là, tu peux suivre les généalogies, mais tout le monde descend d'Adam. Quand on donne la généalogie de Jésus dans Luc, il leur monte jusqu'à Adam. Donc, on met tout d'Adam. Mais tu dis, mais Abraham, il ne semble pas venir de la même place, puis il va le chercher à eux en Judée. Mais finalement, ils viennent tous de la même gang. Mais à un moment donné, ça part de Noé avec ses trois gars, puis là, ça se divise, puis ça forme d'autres peuples, d'autres données. Et donc, ils prennent des différents noms. Mais finalement, on vient tous d'Adam et Ève. Mais la sortie d'Égypte, c'est après Noé? Oui, c'est après Noé. Oui. OK. Excusez-moi. OK. Fait que Ismaël et Isaac, eux autres, c'est avant la sortie d'Égypte? Non. Oui. OK. Fait que quand tantôt Yvon il disait par rapport au. Fait que les musulmans, ça va du côté d'Isaac, puis les Hébreux vont arriver du côté. Les Hébreux du côté d'Isaac, puis les musulmans du côté d'Ismaël. Mm-hmm. Parce que quand on part, on s'en va, on va voir jusqu'à la fin du chapitre 6, là, tu as les descendants, Caïn, puis Abel, puis Seth, mm-hmm. puis Adam. Chapitre 6, tout le monde meurt, on part avec Noé. Là, mais comment tu fais pour trouver Ismaël là-dedans? Comment tu fais pour trouver là? Parce que c'est difficile à suivre, comme on dit. Mais si vous voulez venir des spécialistes là-dedans, il y a des livres là-dessus, des spécialistes. Comment suivre les données? Comment je peux dire que vraiment je descends d'Ismaël quand finalement il y avait juste Abraham qui est mort? Pas Abraham, mais Noé qui est resté. Donc, mais Noé, Abraham vient après Noé. Excusez. Abraham vient après Noé. Des fois, je me mélange. Des fois. Donc, on revient. Les premières personnes qui vont recevoir le livre de la Genèse, c'est le peuple juif ou le peuple hébreu. Moi, je vais les appeler les juifs, on les connaît bien, puis c'est le peuple juif, qui vont recevoir le livre, le premier. Là, je vais vous poser des questions, vous pouvez partager. Ils viennent d'où? Même chose qu'on sait de ce peuple-là, ils viennent de quelque part, ils viennent de quelle personne en général. On les remonte en généralement facilement à Abraham. C'est Abraham, leur ancêtre, va se présenter, Dieu va se présenter à Moïse, je suis le père, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Donc, le peuple juif, quand il va chercher ses origines, il va à Abraham, en général. On peut probablement dire qu'on descend jusqu'à Adam aussi, mais il va à Abraham. Donc, Abraham, qu'est-ce qu'il y a de spécial, Abraham? Lui, c'est lui qui était. Il n'y avait pas personne avant lui qui avait été choisi. Dieu est allé le chercher à Ur en Chaldée parce qu'il était un homme qui ne connaissait pas Dieu. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, puis qu'il a été cherché à Ur en Chaldée, puis il dit maintenant, viens-t'en. On ne sait pas quelle connaissance, comment il aurait. Pourquoi Dieu l'a choisi, lui? On n'a pas le donné. On sait que Dieu est souverain et choisi. Mais pourquoi lui au lieu d'un autre? On n'a pas d'idée non plus. Mais il a choisi Abraham, puis il a dit quoi? Pour qu'il parle de son monde, là, il faut qu'il offre quelque chose à Abraham. Tu vas guider mon peuple, je vais te donner des terres. Tu vas guider, j'ai des terres, mais en tout cas, ça, c'est pas en premier, ça, c'est pas là. La première fois que Dieu le voit, puis qu'il l'appelle, il promet juste une chose. Il a donné, je vais te donner un pays. Il n'a pas dit quel pays. Il n'a pas dit quel pays. Il n'a pas dit où. Il n'a pas dit quand. Je vais te donner un pays. Pars, je vais te donner un pays. Puis Abraham va partir sur le fait qu'on lui promet un pays. Il va savoir plus tard que ça va être le pays de Canaan. Mais quand il part de chez eux, il part avec l'idée que Dieu va lui donner un pays, que Dieu va le diriger, puis il va lui donner un pays. Mais Dieu n'a pas donné de date, il n'a pas donné de place. Juste il était. Et Abraham croit, puis il part. Il va avec lui. C'est plus tard, le même Abraham qui arrive, là il va arriver au pays du Canaan, puis Dieu il va lui dire que c'est ce pays-là qu'il va avoir en héritage. Le pays des Cananéens, qui est déjà habité, il y a déjà plein de monde, il y a déjà des gens qui sont là. Mais moi, Abraham arrive avec sa famille, avec Lot, puis ses chameaux, puis ses moutons, puis il sait bien qu'il ne peut pas prendre le pays, il ne peut pas dire au monde, allez-vous-en tout, là! Moi, Dieu m'a donné ce pays-là, ici, là. Mais il va rester là en partie. Toute sa vie, il va virer en rond, là, dans le pays Canaan. Il va mourir, puis il n'aura jamais eu un pied carré du pays encore. Il va falloir qu'il jette à pied d'argent une place pour atterrir sa femme. Donc, c'est pas vraiment. La promesse n'est pas accomplie de son vivant. Mais Abraham va vivre toute sa vie en se promenant là, dans le pays. Et après ça, il va avoir un fils. Ce gars-là, il va s'appeler Isaac. Il va s'appeler Isaac. Donc Isaac, Dieu va renouveler la promesse à Isaac, qui va lui donner le pays. Mais entre-temps, là, je vais revenir avec la promesse. Il a fait la promesse d'un pays. Après ça, il va faire la promesse qu'il va être le père de plusieurs nations et que les nations de toute la terre vont être bénies en son nom. Donc, de sa lignée va descendre une bénédiction qui va finalement être Jésus, là, dans ce sens-là. Mais j'amène le côté pays, surtout, parce qu'on va voir que les Égyptiens, quand ils sortent, les Juifs, quand ils sortent de l'Égypte, on les emmène vers le pays promis à Abraham. Lui, on ne leur dit pas, on va sortir d'Égypte, on va aller à une porte, on va aller au pays de Canaan, le pays que Dieu a promis à notre ancêtre, Abraham, Isaac et Jacob, nos ancêtres. Mais Abraham avait vécu dans le pays de Canaan. Pendant toute sa vie. Sauf qu'il n'y appartenait pas, puis il était sous. Il était nomade, puis il se promenait, puis il payait probablement des droits pour faire packager ses affaires. C'était comme ça qu'il a vécu. C'est comme ça que les nomades vivaient en général. Ils payaient des droits de pâturage aux propriétaires. Surtout quand sa femme meurt, il appelle les gens de la place, puis il dit, je voudrais acheter une place pour enterrer ma femme. Finalement, il dit, vend une place, puis il va enterrer sa femme-là. Il achète une parcelle de terre pour enterrer sa femme. Puis finalement, lui va être enterré là, puis finalement, je pense, c'est Rachel, en tout cas, quelques-uns de la famille d'Isaac va être enterré là. Je pense que Jacob va être enterré là. aussi. Donc, non, Jacob va être enterré en, en Égypte, si je ne me trompe pas. Non, ils ont sorti, ils sont allés l'enterrer. Ils sont sortis de l'Égypte. Joseph a demandé la permission à Pharaon de sortir et d'aller enterrer son père dans la tombe de son père, de sa mère. Puis, Pharaon lui dit, vas-y. Pharaon était propice à cette époque-là avec Joseph. Donc, il a dit, vas-y. Puis, il a fait des honneurs, puis il a offert même des sortes d'affaires pour enterrer son père. Et donc, je le mentionne parce que ça va faire partie du fait que le peuple qui va recevoir la Genèse, c'était le peuple qui avait été promis le pays Canaan. Okay? Donc, il faut le s'en souvenir. Isaac va avoir deux enfants, Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob, vous connaissez, et quand vous faites l'histoire de même, là, vite, faites un survol, ce qui est intéressant, c'est de voir la souveraineté de Dieu et la liberté des êtres humains qui font toutes sortes de gaffes, toutes sortes de péchés, toutes sortes de conneries. Puis la volonté de Dieu qui se réalise à son âme. Mais les gens font des conneries, font des gaffes, font des péchés. Jacob vole à son frère, mais la Bible nous dit que Dieu avait déjà choisi Jacob avant Ésaü, mais on dit que Jacob, c'est un voleur, il a volé la droite d'Aïdès, puis la bénédiction. Puis on voit toutes les magouilles qu'il fait pour voler la bénédiction de son frère. Avec sa mère. Mais ça ne change pas que Dieu voulait Jacob comme celui qui s'est l'héritier de la promesse. Mais on voit en même temps que tous ces hommes-là, qui font toutes sortes de magouilles, ne sont pas vraiment seulement responsables, parce qu'on voit Ésaü, que lui va prendre la décision de rejeter Dieu par lui-même, bien avant que Jacob fasse la magouille. Donc, on voit que ce n'est pas juste la magouille qui est le problème. Ésaü avait déjà dans son cœur le désir de rejeter Dieu, parce qu'il avait rejeté son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Un bol de roux, qu'il appelle. Vous allez chercher sur Google, ça veut dire, c'est quoi un bol de roux? Il avait la recette. Je ne sais pas. Donc, mais c'est un. Et là, on voit, encore une fois, Jacob qui arrive, et Dieu réitère à Jacob la promesse. Donc, la même promesse, là, ça fait la génération d'Abraham, la génération d'Isaac, la génération de Jacob reçoivent toujours la même promesse, mais ils n'ont pas rien dans le pays encore. Ils ne possèdent rien. Donc, on peut voir comment les hommes, à cette époque-là, ont vécu, mais il y avait une certaine foi, espérance dans ce que Dieu avait dit va s'accomplir, mais ils sont capables d'attendre. Ils voient, ils ont leur combat, ils ont leur doute, ils ont leur remise en question, mais finalement, ils meurent dans la foi. Okay? Ils meurent dans la foi que Dieu va leur donner le pays. Et on voit que Jacob va avoir 12 patriarches, 12 enfants, je veux dire. Et les 12 enfants vont être ceux qui vont finalement partir pour aller en Égypte. Il y en a un qui va partir avant les autres, c'était Joseph. Joseph, Dieu va lui donner, va lui faire un appel pendant qu'il est jeune. Dieu va lui montrer à Joseph, va montrer au père Joseph, jusqu'à certains points, que Joseph est celui que Dieu a choisi. Mais tous ses frères ne veulent rien savoir, ils veulent le tuer. Si ça n'aurait pas été la caravane qui a passé, il sera mort, il l'aurait tué. Mais ils passent une caravane, puis ils ont décidé de faire un peu d'argent avec leur frère. Donc ils sortent du puits, puis ils vendent, puis ils ramassent un peu d'argent. Mais voyez-vous, toute la méchanceté, jusqu'au meurtre, on veut tuer une personne, ils font tout ça. Puis finalement, c'est un plan de Dieu. Et Joseph va le dire à la fin de sa vie. Vous m'avez amené ici par méchanceté, mais Dieu a changé en bien le mal que vous vouliez me faire et vous a sauvé. On peut-tu dire que, je ne sais pas ce que tu vas me répondre, François, là, mais on peut-tu dire que Dieu y aurait pu aider en étant que Joseph était le préféré? Ça l'a aidé les autres à être jaloux. Puis c'est pour ça qu'il voulait le tuer, parce que, tu sais, il y a eu beaucoup de. Tu sais, humainement, là, c'est fort là, ce qui est arrivé. Là. Pas le fun pour les frères. Dieu était derrière, Dieu est souverain, donc en choisissant Joseph, il sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Oui. Okay? Mais Dieu n'est jamais responsable du péché des êtres humains. Des actions, oui, pas du péché. Mais c'est comme si ça donne le ton un peu. Non, ça donne pas le ton un peu, ça donne le ton, point. Oui. Okay, ça donne le temps. Dieu, quand les Juifs ont tué Jésus, c'était le plan de Dieu. Là. C'est pas un peu, c'était pas le temps un peu, c'était le plan de Dieu. Mais Dieu n'a jamais voulu que les Juifs fassent le mal. Lui voulait qu'ils tuent. Il a emmené les Juifs à tuer Jésus pour sauver l'humanité. Les autres le tuent pour une autre raison. C'est ça, okay. Donc lui est au contrôle des actions, mais pas du péché. Okay, Dieu ne veut jamais le péché. Si tu dis que Dieu veut le péché, Dieu est péché. Okay? Dieu ne veut pas le péché. Donc Dieu va amener des gens à faire des actions qui nous vont nous apparaître bonnes ou mauvaises dans notre jugement à nous. Mais qu'est-ce qui détermine si quelqu'un est, si quelque chose est bien ou mal? Ce qui est bien ou mal, c'est ce qui fait la gloire de Dieu et ce qui ne fait pas la gloire de Dieu. Okay? Donc c'est pour ça que tu peux. Il y a des guerres que Dieu a mis en place pour tuer des milliers et des dizaines de milliers de gens, et c'était pour la gloire de Dieu, puis Dieu, c'était bien. Mais du point de vue des hommes qui faisaient la guerre, Dieu dit, vous l'avez fait par méchanceté, vous l'avez fait par convoitise, vous l'avez fait par orgueil. Moi, je voulais accomplir mon plan de salut, de rédemption et ma gloire. Donc, il faut faire attention pour être capable de voir la différence entre les deux. Okay, c'est difficile à comprendre en soi que Dieu veut ça, mais il ne veut pas le péché en arrière. Mm-hmm. C'est, on va en parler, mais qu'on arrive au chapitre 3. Parce que c'est bien lui qui avait mis l'arbre dans le paradis. Oui, c'est vrai. Puis, si on dit que Dieu connaît tout, non, ben, il savait qu'il tomberait. Tout ce qui arrive, là, comme Isaïe qui a vendu son protéiniste, tout ça, Jacob qui a pris son roi, Dieu, c'est comme ça qu'il voulait. Oui. Parce qu'il a dit. Même temps, c'est le péché. Ben, ils ont fait le péché, ils ont. Oui, mais c'est arrivé comme ça parce que Dieu était. Souverain. Oui. Mais le souverain des je ne dis pas que c'est facile. C'est pour ça que Paul, lui, va dire dans Romains, je sors pour vous dire, Paul va dire, avant qu'ils soient nés les deux enfants, j'avais aimé Jacob et j'avais haï Ésaü. Avant qu'ils soient nés, avant qu'ils aient fait aucune action, j'avais décidé mon plan. Mais quand il va condamner Ésaü, il va condamner Ésaü à cause de son œuvre, lui. Pas à cause de son choix, lui, à Dieu. Il va condamner, il va dire à Isaïe, « Tu m'as rejeté, tu m'as vendu pour un bol de soupe. » Donc, c'est ça qui va être condamné. C'est comme un mystère. Hein? C'est pour nous autres, je ne dirais pas un mystère, mais c'est deux vérités qu'on n'est pas capable de jumeler ensemble. Bon, c'est ça. Ouais. C'est deux vérités qui sont là, la liberté de l'être humain et la souveraineté de Dieu. C'est là depuis que le monde existe, on est déjà à mais les croyants, on accepte les deux. Ce que les religions vont faire, souvent, ils vont essayer de les faire fitter ensemble avec une explication humaine. Puis là, on dit, là, on perd. Là, on perd. Parce que ça ne marche pas comme ça. Dans toutes les vérités, grandes vérités de la Bible, vous avez toujours l'élection, puis la liberté, puis prie, mais Dieu sait d'avance ce qu'il va faire, mais prie pareil, mais Dieu sait ce qu'il va faire, puis il va faire juste ce qu'il veut, mais je te dis de prier pareil, il va dire, mais que ça donne de prier, bah, si Dieu a déjà décidé qu'est-ce qui va arriver. Lui, pourtant, il nous a bien dit, prie. Puis je vous garantis, vous devez prier, priez. Et même la semaine passée, tu disais, le péché ne reste jamais sans conséquences, il y a toujours pas. Là, cette semaine, je réfléchissais à ça, puis, mais des fois, le même péché, les conséquences ne sont pas les mêmes. Oui. Se fait violer en série, genre, puis elle va être enceinte, puis l'autre, en tout cas, peu importe, là, c'est pas les mêmes conséquences. Là. Le péché, les conséquences que Dieu va mettre pour chacun des êtres humains peuvent varier à l'infini comme Dieu est infini. Okay, donc, les conséquences du péché dans le jardin, on va le voir. Pour l'homme, pour la femme, pour le diable, c'est trois conséquences différentes. En fait, il était tout impliqué dans le même péché, mais il a mis des conséquences différentes. Donc, pour Dieu, il y a une intention, et M. Roger Nicole nous disait tout le temps, Dieu a tout fait, mais pas le péché. Donc, il dit, dépêchez-vous à dire, pas le péché. Dieu ne peut pas commettre le péché. Dieu ne peut pas vouloir le péché. Dieu ne peut pas aimer le péché. Parce que dans sa nature, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit « Ses yeux sont trop purs pour voir le péché. » Il ne peut pas même concevoir le mal et le péché de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas utiliser des gens qui font des péchés. Oui, il veut les utiliser. Donc, je reviens à Genèse. Donc, les 12 fils, on va dire, on va mettre Joseph dedans un peu aussi, là. Les 12 fils de Jacob et Jacob descendent en Égypte. Pourquoi? Pour avoir de la nourriture. Oui? Parce qu'il y a une famine. Il y a une famine. Donc, pourquoi ils descendent finalement? C'est pour? Manger. Humainement parlant? Survie. C'est pour survivre. Du côté humain, là, ils prennent une décision, eux autres, puis on y va. Parce que si on reste ici, on va crever. On va mourir. Donc, ils prennent une décision humaine, mais Dieu avait son idée déjà, lui, de fait, et son plan était déjà fait. OK? Donc, il a amené le peuple là, parce qu'il y avait un but en l'emmenant là. Donc, il y avait, le but de Dieu, c'est toujours le même. Sa propre gloire à lui. Il y a juste un but. C'est toujours ça, l'ultime. Et à la fin de la ligne, c'est toujours pour ma propre gloire. C'est ça qu'il fait tout le temps. Donc, et là, pendant qu'ils sont là, en Égypte, pendant le temps que Joseph est vivant, ça va bien, il prospère, ça va aux anges. Mais là, à un moment donné, le pharaon meurt, et il y a un autre pharaon qui naît, et lui, commence à avoir la chienne. Commence à avoir peur. Parce que le peuple juif se multiplie. Il prend de la force, il se multiplie. C'est rendu peut-être qu'il y a autant d'esclaves qu'il y a de citoyens égyptiens. Puis il voit bien que ça multiplie, puis ça va bien, puis ça, le troupeau grandit, puis c'est... Ouais, mais là, ça continue de même, puis qu'on se fait attaquer, mais on voit des problèmes. Fait qu'il va prendre, il va en faire un peuple d'esclaves. Il les met sous le joug de l'esclavage pour contrôler et les utiliser comme main d'œuvre pour bâtir son empire. Le peuple égyptien, à ce moment-là, c'est la grande puissance économique et politique de la terre. C'est la grande puissance du monde, l'Égypte. Donc, ils contrôlent toute cette partie-là et ils vont prendre les Juifs ou les Hébreux et ils vont les faire travailler pour eux. Et ça dure pas mal de temps, ça dure quasiment 400 ans. Et là, à la fin du 400 ans, pendant qu'ils sont là, on a de la misère à voir qu'est-ce qu'ils vont retenir de ce que Isaac, Jacob et Joseph vont dire. On a de la misère à voir, est-ce qu'ils vont continuer après la mort de Joseph et après la mort de Jacob, et après, est-ce qu'ils vont continuer à raconter l'histoire? Est-ce qu'ils vont continuer à parler de la terre promise entre eux autres pendant les 3-4 siècles d'esclavage? Et à quel point... L'esclavage, c'est vraiment 400 ans. Environ, là. Autour de 400 ans. Il reste 400 ans en Égypte, mais ils n'ont pas toujours été esclaves. En même temps, Joseph n'était pas esclave. OK. C'est en Égypte qu'il reste 400 ans. Parce que là, je me disais, c'est plusieurs pharaons d'abord. Il va en avoir plusieurs. OK, mais non, mais je veux dire, celui, parce que là, il y en a un qui lui, il a la frousse qui prend le dessus. Fait que lui, il est mis en esclavage, ouais. Il les oblige à faire les trucs par rapport à les compagnies. Mais est-ce que là, on parle, c'est tout ça, cet esclavage-là plus mal, c'est toujours sous le même pharaon? Il y a plusieurs pharaons qui ont été en esclavage. Plusieurs, ça peut être deux à toutes les centaines. Mais en même temps, plus il veut les mettre sous l'esclavage, puis plus il fait les travaux, plus il se multiplie. Plus il veut les arrêter, plus il veut les malmener, plus il se multiplie. Okay. Ils viennent un peu, mais on ne réussirait pas, là, puis ça continue. Puis là, il y en a un qui meurt, puis il y a un autre pharaon qui vient, là. Mais ils vont, quand on lit, si on lirait Exode, qu'on ne voit pas, mais quand on lit le livre d'Exode, on voit que les Juifs ont été influencés par la culture égyptienne pendant toutes ces années-là, tous ces siècles-là. On va les voir sortir de l'Égypte avec des dieux égyptiens dans leur poche. Okay? Ils vont voir le dieu Renfant, puis le dieu Moloch, puis ils vont traîner leur faux dieu dans les poches. Ils ont adhéré en partie à la foi égyptienne. Donc, parce que, imaginez-vous, le 400 ans d'histoire, t'as pas de prophète dans ce temps-là. Joseph est mort, le premier, Joseph lui dit, quand vous allez sortir, là, vous emmènerez mes os, là. Ouais, mais fait 100 ans, ça fait 200 ans, ça fait 300 ans. Vous savez ce que ça fait dans la vie des gens, la question du temps. Et la difficulté. Ce Dieu-là, qui est supposé être notre Dieu, ben on est ici en Égypte, on mange de l'air, hein, et on est né sur la difficulté, puis on crie à lui, puis il répond pas, puis on fait quoi, puis il répond pas. Donc, on va changer, on va prendre d'autres dieux. C'est ça qu'on fait, les êtres humains. C'est vous qui dites, écoutez l'histoire, c'est ça que ça fait, les êtres humains. Si le Dieu que je sers, ne me sert pas lui tout, là, ben, mettre de côté, qu'on en prend. Ou on en prend plusieurs. Chacun son petit domaine. Puis, et on t'a influencé ça, on va le voir. On va le voir. Ça, puis on va voir, si vous lisez l'Exode, vous allez voir que Aaron, quand on lui demande de faire un dieu, une image de Dieu, de faire un dieu, il fait un dieu qui ressemble à un dieu d'Égypte. Mais ce n'est pas un dieu d'Égypte. C'est son dieu. Mais il l'a fait comme il percevait son dieu, le dieu d'Israël. Tu sais, quand nous autres, là, quand je me suis converti, là, converti en grand mot, là, mais quand j'ai commencé mon cheminement chrétien il y a 45 ans, là, quand mon frère Denis m'a dit Dieu, là, Dieu, moi, dans ma tête, Dieu, c'était le Dieu des catholiques que j'avais connu. C'est tout. Ça veut pas dire que c'était le vrai, là. C'était peut-être le vrai, aujourd'hui, je continue. Vrai, mais avec des nuances pas mal fortes. C'est un Dieu qui voulait être un purgatoire, c'est un Dieu qui voulait des lignes, c'est un Dieu qui voulait des sacrifices, c'est un Dieu qui voulait que je fasse des bonnes œuvres. Donc, c'était pas le même Dieu, mais il y avait quelque chose de Dieu dedans, qui ressemblait au Dieu de la Bible quand j'ai commencé à lire la Bible. Mais c'était loin d'être le Dieu de la Bible. C'était pas un Dieu de la grâce, c'était pas un Dieu du... C'est pas un Dieu comme ça, là. Donc, c'est... Aaron et tout le peuple ont une idée peut-être floue d'un Dieu qui est là, qui était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Puis on ne sait pas trop si on continue, mais on pense que oui, puis on continuait à raconter ce que Abraham, Isaac et Jacob avaient dit. Parce qu'on va voir, quand on va voir chapitre 5, il semble savoir la généalogie du peuple à partir d'Adam jusqu'à eux autres. Et c'était la coutume chez les Juifs de faire ça. Chaque chef de clan transmettait à celui qui prenait la relève, comme mettons Isaac avec Jacob, on donnait la canne, le bâton du chef, ça allait à l'autre chef qui prenait la relève, et on écrivait le nom dessus. Donc quand on voyait un bâton, on voyait la généalogie du peuple sur le bâton, ou de la famille. Donc nous autres, on a quoi? On appelle ça de... On fait des arbres généalogiques. Donc les autres, il y avait un arbre géologique, mais c'était une branche d'un arbre. On écrivait dessus. On écrivait Abraham, on entendait Isaac, puis là, on m'a dit quand Isaac était mort, mais c'était Jacob, on mettait des détails, puis ça écrivait tout sur le bâton. Donc, vous allez voir, quand vous lisez l'Ancien Testament, à un moment donné, il y a des bâtons, de deux bâtons, puis Dieu dit, je vais prendre les deux bâtons, puis je vais en faire un seul peuple. Donc, il prend deux gangs, puis je vais les rassembler dans un seul peuple. Quand tu comprends, la première fois que j'ai lu ça, je me dis, qu'est-ce qui nous rapporte là, deux bâtons. Mais quand tu comprends la culture, c'était les deux peuples, les deux gangs, deux descendants qui étaient séparés pour un temps dans l'histoire et que Dieu va ramener ensemble pour former juste un peuple. Donc là, tu comprends mieux la culture. Donc, on a l'impression qu'ils ont une idée quand on lit du Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, mais c'est pas clair. C'est pas clair de ce qu'ils pensent. On va même voir tout à l'heure Moïse, qui, lui, quand il voit Dieu dans le buisson ardent, c'est quitté, toi, là. Quel nom que t'as, là? Comment je vais te présenter aux Juifs, moi, là? Moïse n'a pas grande idée non plus de ce qui est Dieu, là. Donc, il faut se souvenir de ça quand on va lire. C'est pas des chrétiens qui reçoivent la Genèse, là. Puis Moïse ne peut pas avoir plus de révélations que la révélation déjà donnée à cette époque-là. Lui, il n'a pas lu les psaumes, les rois, puis les prophètes, puis au Nouveau Testament. Moïse n'a jamais eu ça de sa vie. Donc, il y a une révélation qu'on appelle limitée, une révélation progressive. Dieu ajoute toujours des données en s'en allant. Et nous, on a la grande révélation de Jésus-Christ qui est venu, qui nous a amené des informations, les épîtres, l'Apocalypse. Mais lui, il n'avait pas ça. Donc, lui a parlé de Dieu à la façon qu'il connaissait Dieu, à la façon que Dieu s'était révélé à lui. Il ne pouvait pas en donner plus. Il ne peut jamais donner ce que tu n'as pas. Hein? Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Donc, à ce moment-là, 400 ans plus tard, va apparaître un pharaon que lui va prendre les grands moyens pour arrêter ce peuple-là de multiplier. Donc il dit, on va faire mourir tous les enfants morts qui naissent dans le peuple juif. Tous les enfants morts, c'est ça que j'ai dit, c'est ça que je veux dire. Tous les enfants morts, tous les enfants morts qui vont naître, on va les faire mourir. Comme ça, on va arrêter, la, ça va aller moins vite la reproduction. OK? Il pensait trouver un moyen, et là on voit, encore une fois, l'être humain qui fait des décisions, on voit une mère qui décide, elle va mettre sa vie en jeu de sauver son fils, son premier-né, qui est là, puis elle le cache, puis elle le met dans la cave, il n'y a pas de cave dans ce temps-là, mais elle cache son enfant pendant 3 mois. Là, il crie trop fort, fait que, on sait que l'histoire, elle le met sur le fleuve, dans un panier, elle le laisse partir. Et là, une femme, la princesse, une princesse de l'Égypte, va défier son père. La main humaine, elle prend la décision par elle-même, elle n'est pas chrétienne, elle prend la décision, elle ne connaît pas la Bible, elle ne connaît pas la plan de Dieu, elle ne sait rien de ça, mais elle prend la décision qu'elle va sauver cet enfant-là. Puis elle sait que c'est un Hébreu. Elle dit elle-même, c'est un Hébreu. Mais elle sait que son père a dit de faire mourir, probablement qu'elle sait, je pense qu'elle sait, que son père a dit de tuer tous les enfants morts. Mais elle le ramasse. Donc, elle sait qu'il était un Hébreu. Comment? Est-ce que c'est la couleur de la peau? Est-ce que c'est la couleur des cheveux? Est-ce que c'est le fait qu'il était circoncis? L'Égyptien n'était pas circoncis. S'il a été élevé en tant que juif, en tant qu'Hébreu, on est probablement circoncis. Et si elle l'a vu, cet enfant-là, circoncis, elle dit, ah, c'est un Hébreu. Ils circoncisent toute leur cause. Ça a déjà commencé? Oui, c'est parce qu'Abraham a commencé. Ça a commencé avec Abraham. C'est Abraham qui a promis qu'il se fait dire par Dieu de circoncire tous les enfants morts. Donc, si ses parents l'ont élevé à moindrement, ils l'ont circoncis. Là. Donc, en tout cas, du moyen quelconque, elle sait que c'est un Hébreu, mais ça semble au diable le Père, au diable les lois, au diable n'importe quoi. Moi, je l'élève, cet enfant-là. Oui, à cause de son vêtement. Ça, c'est dans le film, ça. J'ai pensé à ça. On est loin de pas être raison. Mais ça pouvait bien être ça, mais. On pourrait écrire des livres de même sur ce qu'on ne sait pas. Là, hein? Mais c'est ce qu'on sait, elle reconnaît qu'elle est un Hébreu. Ça, elle dit, le texte le dit. Mais de toute façon, c'est vrai que probablement ça devait. Les vêtements, probablement, ça devait différencier. Peut-être, mais encore là, on dit tout de suite. On ne sait pas. Mais le côté pour moi le plus logique, c'est est-ce qu'il y a une différence physique de couleur de peau chez les Égyptiens et les Juifs? Donc, si. J'essaie de voir, puis effectivement, il y a des couleurs de peau différentes. Puis même dans le sud de l'Égypte, la peau est quasiment noire chez l'Égyptien à ce temps-là. La peau est quasiment noire. Donc, parce que quand tu regardes l'archéologie, les statues, tout ça, là, tu vois des gens qui sont quasiment noirs. Hein? Puis plus tu montes vers le nord de l'Égypte, ils sont un peu plus pâles. Les Égyptiens ont une peau un peu plus pâle. Mais on sait bien aujourd'hui, on va regarder différentes ethniques, on va voir une différence. Physiquement, on va voir une différence. Est-ce qu'il y en avait assez pour qu'elle le voie? Mais on peut statuer, vous pouvez avoir vos idées, puis ça peut être très bon. Mais ce que je sais, elle a dit, c'est un Hébreu. Puis elle le ramasse. Pourquoi elle le fait? On n'a pas vraiment d'idée, on peut spéculer encore, puis toutes sortes d'affaires, mais elle le prend, puis elle l'élève. Et là, ça veut dire que Moïse, lui, là, quand il a vécu là, en vieillissant, il y avait plein de jeunes de son âge qui étaient tous morts dans son peuple. Ben oui. Vu qu'ils avaient tous été tués. Oui. Mais lui, il n'est plus là à ce moment-là. Il est plus non, lui, il est avec la fille de Pharaon, mais il n'y a plus de contemporains de son âge. Mettons, il aurait été à l'école, il n'y aurait pas eu de petits gars comme son, de lui de son âge. Ben, il est tous morts. Mais Aaron, il était plus vieux, lui, il avait été parmi. Oui, parce qu'Aaron était avant, c'est après que ça a commencé. Donc, mais je crois que peut-être Moïse n'est pas le seul qui a été caché, qui n'est pas le seul. Ouais, là, on peut les sages-femmes, les femmes étaient ouais. Tellement résistantes que les sages-femmes arrivaient et avaient déjà accouché. Ouais. Ils disaient qu'ils avaient accouché parce qu'ils ne voulaient pas réclamer à Dieu. Parce qu'ils craignaient Dieu. Dieu. Mais ça n'a pas empêché parce que Pharaon a rajouté par après, quand les femmes n'ont pas voulu, ont fait sentir qu'ils ne voulaient pas. Pharaon a dit à tout le peuple, à peuple aux soldats, si vous envoyez un mâle qui vient de naître, tuez-le. J'étais dans le fleuve. Donc, ça, on peut plus se lancer là, dans les idées. Mais, pendant vers la fin du 400 ans, le peuple a commencé à crier à Dieu pour que Dieu les délivre. Dieu nous dit dans l'Écriture que j'entends les cris de mon peuple qui souffre sous l'esclavage. Et Dieu va pourvoir à travers Moïse. Il va faire venir Moïse, il va sauver ce jeune homme-là. Puis la Bible nous dit que la femme, la princesse, va l'élever dans toute la sagesse de l'Égypte. Elle ne l'a pas élevé comme un hébreu, elle ne l'a pas envoyé à l'école d'hébreu. Elle va y apprendre la foi, l'éducation, le langage. Elle va l'élever comme un Égyptien est élevé. Et il va en sortir un homme qu'on va voir tout à l'heure, qu'on va étudier Moïse. Et Dieu va pousser Moïse finalement va sortir de là, et pour sortir le peuple, parce que quand le peuple reçoit la Genèse, il est déjà sorti. Les autres sont sortis de l'Égypte, ils sont déjà dans le désert. Donc Moïse, les autres, les a sortis de là avec les 10 plaies d'Égypte. Moïse va utiliser les 10 plaies d'Égypte, et puis il va sortir, par la puissance de Dieu, le peuple, puis il va l'emmener vers le désert. Le but du peuple, il faut faire se souvenir de ça. Le but du peuple, en sortant de l'Égypte, en criant à Dieu de sortir de l'Égypte, est un besoin seulement humain. Moïse arrive, lui il dit, Dieu va vous sortir pour que vous puissiez le servir. Mais les autres, ils ne l'entendent pas de ce bout-là vraiment, on dirait. La preuve, c'est que pendant qu'ils sont dans le désert, ils ne vont pas le faire. Mais les autres, ils veulent sortir de là, puis ils sont contents de sortir de là, mais ils n'ont pas. Voyez-vous, Dieu va accomplir son plan. Dieu va accomplir son plan. Il va l'emmener, le peuple, au pays Canaan. Mais la gang qui va emmener, il y a une grosse gang là-dedans qui est complètement. Ça ne s'intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, eux autres, c'est de sortir de l'esclavage, puis s'en aller dans un beau pays quelque part. Là. Mais Dieu, il est là, comme le pourvoyeur et tout ça, mais. Ils n'ont pas l'intention de vouloir servir. Puis que ça va finir à la fin, à la fin du 40 ans, ils vont dire, Josué, quand finalement ils vont les mettre dans le pays Canaan, ils vont rentrer au pays Canaan, Josué va leur dire, moi et ma maison, on va servir l'Éternel, mais il dit, je vous avertis, là, je fais une prophétie, vous ne le servirez pas, Dieu, vous autres. Ils vont dire, oui, on va servir Dieu, oui, on va servir Dieu. Josué répète, vous ne le servirez pas. Puis ils n'ont jamais servi. Parce que leur intention était seulement humaine. Il n'y avait pas de plan de Dieu dans leur tête. C'était pas « je veux aller au pays Canaan parce qu'on veut établir l'adoration d'un grand Dieu qui nous a servi de l'Égypte. » C'était pas ça l'intention. Mais Dieu, quand il envoie Moïse sortir les Hébreux, il explique clairement que c'est parce qu'il veut que sortir le peuple pour... C'est ça que Moïse m'a répété souvent à Pharaon, laisse sortir le peuple pour qu'il aille faire des sacrifices à Dieu dans le désert. Il va le dire à plusieurs reprises. Et, fait que dans le fond, au départ, sa demande, là, c'était juste de demander à Pharaon qu'il sorte prier, mm-hmm. faire les sacrifices, puis revenir, mm-hmm. on va continuer à te servir. Ouais. Parce qu'il ne mettait pas, mais Pharaon, c'est bien que si tu laisses sortir 2 millions de personnes dans le désert, c'est pas sûr qu'ils vont venir. Mm-hmm. Il était assez intelligent pour savoir ça. T'sais. Donc, c'est pour ça qu'il lui veut. À un moment donné, il dit, sortez, mais laissez vos affaires ici. Laissez tous vos bagages en arrière. Non, il dit, on sort avec toutes nos affaires. Puis ça revient Dieu dans le désert. On va revenir. Mais je ne pense pas qu'il va dire que je vais revenir. Je pense qu'il va juste dire, laisse-nous aller servir notre Dieu dans le désert. Faites des sacrifices à Dieu dans le désert. Mais il ne dit pas, après ça, on va revenir. C'est, nous, on mais peut penser ça, mais il ne dit pas. 3 jours. Je ne me souviens pas. Toi, tu as souviens pas. Il y a 3 jours. Mais plus les plaies avancent, plus il y a un changement qui se produit, autant chez Pharaon que dans les paroles de Moïse chez Israël. Bon, je ne vais pas tout emmener, tous les détails, mais il faut avoir une grande ligne. Ça, c'est le peuple là, qui Moïse va sortir de là, sortir de l'esclavage par la puissance de Dieu, et il va confronter les parce que vous savez, j'ai déjà dit, les 10 plaies d'Égypte, confrontent 10 dieux de l'Égypte, confrontent 10 dieux de l'Égypte. Il y avait le dieu du Nil, il y avait le dieu d'une grenouille, il y avait une déesse qui s'appelait la déesse grenouille. Il a montré aux Égyptiens, je suis plus fort que vos dieux. Je suis plus fort que tous vos dieux. Ah ouais, moi je donnais un dieu soleil, vous autres. Je vais emmener la noirceur. Priez votre dieu soleil, ouais, si vous êtes capable d'emmener la clarté. Non, je suis plus fort que le dieu soleil, moi. Ok, je suis plus fort que le dieu soleil. Emmenez tous vos dieux que vous voulez. Il y en a mis 10, probablement peut-être les 10 les plus importants. Puis ils ont tout montré que. C'est pour ça que les magiciens vont dire à un moment donné, ouais, ben là, il est plus fort que nous autres. On a imité un petit peu, là, mais là, rendu au troisième ou au quatrième plaie, là, ouais, ils sont plus capables. Le Dieu de Moïse est plus fort que nous autres. C'était ça l'intention. Voyez-vous, l'intention, c'était pas juste de délivrer un peuple de sa misère. Je veux montrer qui je suis en délivrant. Alors, on va voir que Moïse va apprendre de Dieu pendant les plaies. Lui-ci apprend à connaître Dieu pendant que ça se passe. Comme nous autres, on apprend à connaître Dieu à travers nos vies. Moïse apprend à connaître Dieu. Il voit que le Dieu qui l'a envoyé en Égypte, c'est quelqu'un de spécial. Donc, le peuple sort, puis s'en va au pays, il s'en va dans le désert. Puis là, on voit ensemble que pendant qu'ils sont là, ben, ils vont exprimer leur idolâtrie, ils vont exprimer leur rébellion contre Dieu, ils vont exprimer leur incrédulité, parce qu'ils vont traverser le pays, ils vont aller au port du pays de Canaan. Pour rentrer au pays de Canaan comme Dieu voulait. Puis ils vont voir, ils vont dire, oh, il y a des grosses armées, il y a des géants. Non, Dieu n'est pas capable de nous faire rentrer là. On retourne en Égypte. Dieu dit, non, vous ne retournerez pas en Égypte, vous allez virer en Rome dans le désert, pendant 40 ans. Et tous ceux d'entre vous qui ont plus de 20 ans, vous allez mourir ici dans le désert. Ça finit comme ça, leur histoire. C'est là, c'est pendant qu'ils sont là, qu'ils se tournent en rond, là, qu'ils sont en train, qu'ils murmurent, puis qu'ils chialent tout le temps, là. C'est là qu'ils vont recevoir la Genèse. C'est à ce moment-là qu'ils vont recevoir la Genèse. Ils vont recevoir la Genèse. Ils l'ont dans. Pendant qu'ils sont au désert. Okay. Parce que Dieu prépare la nouvelle génération qui va rentrer au pays Canaan. Avec ça. Donc, je vous ai déjà conté, j'étais allé dans un enseignement à un moment donné, que le gars, chaque fois qu'il lisait le livre d'Exode, il nous disait à chaque fois, je vais lire le mot murmure. Je veux que toute la foule, les 500 qui étaient là, à peu près, de chrétiens, vous allez tout faire. Pendant que, à chaque fois que je voyais le mot murmure, vous allez tout faire en même temps, les 500. À chaque fois, il faisait. Ça fait un drôle de sensation, 500 personnes qui font. Là, à un moment donné, il dit c'est ça que Dieu a entendu pendant 40 ans. Il dit c'est un miracle qu'ils ne soient pas tous morts là. Parce qu'ils ont murmuré pendant 40 ans de temps. Que Dieu faisait. Donc, tout comme dit, ils ont exprimé leur incrédulité, que leur désir de sortir de l'Égypte, ce n'était pas Dieu. Ils l'ont montré pendant leur quarantaine dans le désert. Et là, ça, c'est la fin, c'est le peuple qui est là. Donc, on a un peuple un peu mélangé, peu beaucoup mélangé par rapport à Dieu, ils ne savent pas trop quoi, qui ont sorti de là, de l'Égypte. Mais avec une intention aux autres de juste sortir de l'esclavage. Je peux les comprendre, dans le cas humain, là, c'est vraiment à l'échelle, cela. Là. Souffle, puis tu as de la misère. Puis quelqu'un vient et dit, on va te sortir, on va t'emmener dans un beau pays, là, ce que tu vas voir, tu vas être la coulée douce un peu. C'est intéressant, mais vite, là. Donc, ils partent, puis ils vont. Mais on va voir que la majorité d'entre eux ne va jamais rentrer au pays canadien. Ça vient de me flasher, ce sera pas un peu le même parallèle que ceux qui décident de suivre Dieu aujourd'hui, mais juste pour se sauver de l'enfer. C'est toujours le même parallèle. C'est toute l'histoire de la Bible qui est comme ça. C'est pas que Dieu finalement dit tout le temps, j'ai juste un petit peuple dans le gros peuple. J'ai juste un petit peuple dans le gros peuple. Il dit tout le temps ça. Il dit, il y a des millions, j'ai juste un petit peuple dans ce peuple-là. Il n'y a qu'un peuple qui m'adore vraiment, parmi les millions qui sont là. Donc il dit à chaque fois. Chaque fois qu'on a un cycle qui se produit, il le répète à chaque fois. Donc c'est toujours été la même chose. L'être humain, depuis la chute, c'est comme ça qu'il est. Il n'est pas un pécheur. On ne peut pas s'attendre d'un pécheur qui va prendre la décision tout d'un coup que « Ah, je vais servir Dieu. » Non, il faut qu'il se passe des choses dans la vie qui comprennent ça. On pourrait s'attendre, quand Dieu les a délivrés de l'Égypte, avec tellement de puissance et de force et de manifestation qui vont tomber sur une face. Qui vont... L'être humain croit que Dieu lui doit quelque chose. Ça, c'est l'être humain. L'être humain croit que Dieu lui doit quelque chose. J'ai tenu cela. Il m'a créé. Qui s'occupe de ça? C'est lui qui a créé le monde ou qui s'en occupe? Bon, nos enfants font même affaire. Je t'ai rien demandé. Moi, c'est tout de suite une affaire. On voit-tu, chez nos enfants, je n'ai pas mal pour nos membres, mais plutôt que nous autres. C'est ça. On l'a entendu. Vous autres, vos enfants, on va mettre ça, mais on l'a entendu. Alors, on donc, ça là, maintenant, on va voir Moïse. Parce que Moïse, ça, c'est celui qui va écrire. Mais pourquoi ce Moïse-là décide-t-il d'écrire? Qu'est-ce qu'il pousse à écrire dans le milieu du désert, de s'asseoir, prendre sa plume et d'écrire? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? On sait qu'il a écrit 5 livres, Moïse. Puis, probablement, dans l'ordre qu'on a là, la Genèse, l'Exode, parce que l'Exode, c'est la continuité de l'histoire, après que Joseph soit mort, c'est l'Exode, Moïse, son maître. Et on s'en va ensuite ça à partir du chapitre. Ça continue et on. J'ai perdu mon année. Mais le premier livre qui a été écrit, c'est du Deutéronome. C'est Genèse. C'est la Genèse. Genèse, Exode. Puis ça, le livre de Lévitique, parce que la loi a été donnée, donc il va écrire le livre de Lévitique pour qu'il sache comment faire la loi. Ça, tu vas avoir le livre des Nombres. Il y a le livre de Deutéronome. Deutéronome, ça veut dire deuxième fois la loi. Dieu va répéter la deuxième fois la loi. Il va répéter la loi aux ceux qui vont rentrer dans le pays de Canaan. Okay? Donc, la première génération qui a reçu la loi sont tous morts dans le désert. Donc, les enfants qui avaient 20 ans sont rendus à 60 ans. Les autres, ils ont moins connu la loi. Avec Moïse, ils n'ont peut-être pas, la majorité d'entre eux, ils n'ont peut-être pas vu le feu sur le mont Horeb. Donc, les autres, ils vont se faire répéter la loi, ce qu'on appelle deux, la deuxième fois, on répète, et le peuple qui va rentrer au pays de Canaan va avoir entendu la loi. Parce qu'ils n'ont pas la loi sur leur téléphone encore. Pas encore. Donc, il faut que quelqu'un leur dise, voici la loi du Dieu qui va faire rentrer dans le pays ici. Là. Mais c'est encore Moïse qui l'écrit. Ben, moi, c'est écrit, tout Moïse qui écrit les 5 premiers livres. Fait qu'il l'écrit... beaucoup plus tard que les autres. Pas, beaucoup plus tard, c'est sur 40 ans. Okay, ça ne peut pas être plus long que les 40 ans. Mais si tu dis qu'il l'écrit surtout pour le donner aux gens qui, eux, n'ont pas connu la loi au début, ça fait qu'on doit être au bout pas mal du 40 ans. Oui, ça se pourrait, dans les 5-10 dernières années qu'il va décider de créer. Mais la loi est déjà écrite, parce qu'elle a été écrite dans Lévitique, c'est déjà des faits. Il va répéter la loi à ces gens-là. Il n'écrit pas la loi, il la répète. Parce qu'on n'a pas les livres comme on veut, là. Donc, il va rassembler le peuple qui est prêt de rentrer au pays de Canaan, puis il dit, écoutez-moi bien la gang, je vais vous dire le Dieu que vous voulez servir, le Dieu qui va vous faire rentrer dans le pays de Canaan. Voici qui, c'est qui ce Dieu-là? Je vais vous le présenter. C'est ça que Josué va dire finalement, vous ne l'adorerez pas, ce Dieu-là. Vous le servirez. C'est l'être humain. C'est l'être humain. L'être humain est un fichu ingrat, perdu, par nature de pécheur comme ça. On n'était pas plus reconnaissant à cette époque-là qu'on est aujourd'hui. Fait que le pourquoi que Moïse a décidé d'écrire, finalement, c'est... On va le voir à la fin. Ah, okay. Là, on va voir Moïse, premièrement. Vous savez que Moïse est mort à 120 ans et la Bible nous sépare sa vie en 3 fois 40 ans. OK? Il va faire 40 ans en Égypte. 40 ans à Madian, chez les Madianites, il va faire 40 ans au désert avec le peuple d'Israël. Donc, sa vie est séparée en 40. Plus ou moins, là, je suis. Hein? 40 ans en Égypte. 40 ans chez les Madianites, quand ils étaient mariés, quand ils étaient là. Puis, après ça, 40 ans dans le pays, dans le désert. Avant, il ne rentrera jamais dans la terre promise, lui. Le libérateur de l'Égypte pour faire rentrer le pays au pays de Canaan, lui-même ne rentrera pas. Pas pour les mêmes raisons que les autres, mais il ne rentrera pas. Donc, mais on va essayer de voir, c'est qui ce gars-là, c'est qui ce Moïse-là que Dieu va utiliser, que Dieu va choisir Tout à l'heure, on a parlé de Dieu a pris Abraham et il a sorti de là-bas. Huron Chaldée, c'est un pays d'idolâtre. Il se punche là, il l'emmène. Puis il dit, viens-t'en, mon gars, que je vais te donner le pays de Canaan. Et là, tout d'un coup, d'une façon, on pourrait dire, très, très divine, il décide de choisir un des enfants qui était pour mourir. C'est toi, je vais prendre. OK? Là, il prend, on a vu tout à l'heure, parce que tous les enfants morts devaient mourir, sa mère, le trouvant beau, c'est ce qu'on voit dans le texte, le trouvant beau, décide de ne pas le tuer ou le s'en débarrasser. Ou de laisser les soldats le tuer ou n'importe qui d'autre le tuer. Donc, elle le met sur un panier, elle le laisse partir. Là, on a vu tout à l'heure, la princesse le ramasse. Mais on sait que sa sœur suivait. Et sa sœur lui dit, « Veux-tu, j'ai hâte de te chercher une nourrice pour nourrir cet enfant-là, une nourrice juive ou hébreu. » Elle dit, « Oui, vas-y. » Donc là, elle va chercher sa mère, mais la princesse ne sait pas que c'est la mère. Elle sait que c'est une nourrice, point. Donc, elle vient, et là, elle va le garder probablement pendant 3 ans, 4 ans. Elle va le garder, puis elle va l'élever. Là, vous pouvez écrire des livres sur ce qu'elle a pu lui dire, mais on ne le sait pas. OK, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait. On pourrait avoir toutes des idées. Mais faites attention. Pour pouvoir penser de ce qu'elle a fait, ce n'est pas, c'est pas un moment du 21e siècle. C'est un moment qui sait qu'elle va mourir, ça se fait découvrir, puis qui sait que si son enfant se fait découvrir, ça va mal tourner. Ce n'est pas la même chose que nous autres. Il faut se mettre dans le bain. Là. Elle peut se dire, je ne dis rien parce qu'il ne dira rien, puisque ça va être plus sécuritaire de même. Ou si je dis tout, parce qu'elle doit préparer qu'il va être. Elle ne sait même pas que c'est lui qui va être le libérateur. Donc elle ne peut pas te préparer en conséquence. Mais on peut s'imaginer un paquet d'affaires qu'elle a pu lui dire, qu'elle a pu voir, lui. Mais 3-4 ans, moi, je regarde mon petit-fils, là, ma fille est morte à 29 ans. Mon petit-fils a de la misère à savoir c'est qui leur mère maintenant. S'ils sont prêts à regarder des photos pour savoir c'est qui leur mère. Ils s'en souviennent. Ils n'ont aucune idée. Sa petite fille qui avait 3 ans, 2 ans, elle n'a aucune idée de qui sa mère. Là. Aucune idée dans sa mère. Elle a des photos. Parce que, puis le petit gars non plus, il a des idées, mais c'est très, très, très. Puis lui est élevé par le père, son vrai père. Mais là, lui, Moïse, il n'a plus de vrai père, il n'a plus de vrai mère, il n'a plus de rien. Là. Il se retrouve dans une culture complètement contraire, puis il va être élevé, là, pendant 40 ans. Ou 37 ans, ou 36 ans, il va être élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc, ce n'est pas juste des mathématiques. Là. C'est religion, c'est tout ça, tout ce que tu voudras. Elle a éduqué son enfant dans le monde, comme nous autres on l'appellera aujourd'hui, dans le monde égyptien. Et la Bible nous dit dans Actes, à la fin de ce 40 ans-là, elle nous dit, « Moïse est un homme puissant en parole et en œuvre. » C'est comme ça son 40 ans se termine. C'est drôle, hein? En parole, puis il ne veut pas y aller parce qu'il dit qu'il y a de la misère à s'exprimer. Donc, on se pose la question. C'est-tu arrivé après? Ouais, c'est ça. Bien, en tout cas, qu'est-ce que l'auteur veut dire? Je pense que c'est Étienne qui dit ça, en puissance. Donc, c'est un homme qui était, de par son statut social, fille de la princesse du pharaon, il y avait un statut spécial, le gars, dans sa culture, il était élevé, VIP, on pourrait dire. Donc, il a été élevé. Et moi, l'expression puissant en œuvre et en action, c'est un homme qui était reconnu dans la société, qui était reconnu dans son monde à lui, qui avait une certaine autorité, une certaine popularité. C'était quelqu'un qui était connu. Mais Luto a été élevé avec les dieux égyptiens. Luto est allé faire des sacrifices à ces dieux égyptiens-là. C'est juste la logique des choses. Mais, est-ce que c'est parce qu'il a écrit les 5 livres qui a été renommé comme ça, qu'Étienne enfant? Non. C'est pas à cause des livres qu'il a écrit. Donc, c'est parce que dans Étienne, il parle qu'il était en Égypte, qu'il était puissant en œuvre. Puis Dieu l'a pris puis il l'a envoyé. Okay? Donc, il l'a envoyé vers pour libérer son peuple. Donc, il a choisi quelqu'un de spécial. Vous savez, Dieu, il a ses intentions. Quand il a choisi Moïse, dès son enfance, il savait quelle sorte de gars qu'il avait besoin pour sortir un peuple d'esclaves, de rebelles dans le désert. Il savait quelle sorte de gars qu'il avait besoin. Il a pris le gars qu'il avait besoin. Il était cherché le gars qu'il avait besoin. Puis, quand il finit son 40 ans, là, c'est tout ce qu'on a dans ce 40 ans-là, nous autres. Là. Mais à la fin de ce 40 ans-là, lui, là, il regarde les Hébreux, puis il semble savoir que c'est ses frères. À quelque part, il semble avoir appris qu'il est un Hébreu. Mais encore, quand ça donne dans son miroir avec son petit frère à côté, je vais dire, on n'est pas pareil, nous, toi, là. Ça me parle à mon père, ça me parle à ma mère. Qui je suis, mais dans le fond, naturellement, on pourrait penser ça. Mais c'est pas écrit. Mais une chose, on sait, c'est qu'il veut le faire. Mais il le fait comment? Comme un homme puissant en œuvre et en parole. Il va y aller avec le bras qu'il a, la force qu'il a, la capacité qu'il a, l'intelligence qu'il a, puis il va. Puis la première chose qu'il peut voir, je vois agir comme il agit, bang! Là-bas, on coupe sa gueule, il en tue un, puis il l'enterre, puis tiens, on va régler ça comme ça. Le lendemain matin, il retourne encore une fois pour aller encore vers le peuple des Hébreux pour les aider. Et là, il veut être juge. Hey, je ne connais-vous pas, papa. Là, il le regarde, puis qui t'es, toi? Qui t'a établi juge sur nous autres? Tu veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Mais quand ils disent ça, comme tu as tué un des nôtres hier, ça veut dire que pour eux, lui c'est un Égyptien puis c'est le fils de Pharaon. Oui, pour les Juifs, ils le voient comme un étranger quitté. Donc, les autres, ils voient quelqu'un qui est habillé comme l'Égyptien, qui agit comme l'Égyptien, puis qui ne semble pas avoir peur, parce qu'il n'y a pas un Hébreu qui avait osé tuer. Est-ce que, là, je ne sais pas si tu me dis, mais je ne me semble pas avoir entendu. Est-ce qu'on sait de où lui, comment il apprend que c'est un Égyptien? On n'a aucune idée. On peut lancer avec un livre, là. Comme tu disais tantôt. On peut se faire un paquet d'idées, moi, là. Et l'auteur n'a pas l'intention de tout donner les détails. Moi, il n'aura pas l'intention de donner tous les détails de sa vie, puis tous les détails. Il donne des grandes lignées ouais, qu'on comprend. Je veux dire, à un moment donné, il sait que un de son peuple, c'est comme. Ben, il va. Mais, moi, je crois que, bon, qu'il a su d'une façon quelconque. Puis, mais ce que la Bible, je veux que je crois qu'elle veut qu'on comprenne, c'est qu'il est allé avec sa capacité. Puis Dieu lui dit moi, c'est pas ça. Moi, je veux délivrer mon peuple avec ma capacité pour qu'il me glorifie, moi. Je veux qu'il sache que c'est pas Moïse qui va être délivré. C'est moi. Comme il a dit à Gédéon, je vais t'envoyer juste avec 300 gars parce que je veux qu'ils sachent que c'est moi qui ai tué l'armée. C'est pas toi. Il y a quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer, justement, parce que. je veux que le monde sache que c'est moi qui ai délivré. Puis depuis tout ce temps-là, depuis les millénaires, quand on parle des 10 plaies d'Égypte, on parle du Dieu des Juifs qui a délivré Israël avec les 10 plaies d'Égypte. Donc, il va. Moïse va s'enfuir à Madian. La fin de son 40 ans, il part puis il fuit. Puis il s'en va dans le pays des Madianites ou à Madian. Qui va se retrouver un peu plus tard, lorsque les Juifs vont passer les 40 ans vers Aaron. Dieu prépare Moïse jusqu'à un certain point à savoir où est-ce que ça se passe. Parce que lui va faire nourrir ses troupeaux alentour du mont Sinaï, alentour du mont Horeb. Il va vivre là, Madianite. Tu voulais aller voir sur une carte ce qui est Madian ou les Madianites. Ça va être là que Moïse va passer tranquillement. Puis lui, il connaît le passage, il connaît les gens qui sont là. Il connaît le monde, là. C'est son patelin, celui, les Madianites. Là. Ça se trouve entre l'Égypte et le pays de Canaan. Ça se trouve entre les deux. Là. Lui, c'est là qu'il vira en rond. Là. Pendant 40 ans avec ses moutons. Première 40 ans, il vient dans l'or avec ses moutons. Et pendant qu'il est là, il va marier une femme madianite, fille d'un prêtre madianite. Ça nous en dit un petit peu encore que Moïse n'était pas trop serré sur les conventions religieuses. Pour lui, marier une madianite, c'est pas une juive. Son père était un prêtre de qui, je ne sais pas trop, mais la Bible ne nous dit pas de quel prêtre, de quel dieu il était prêtre. Elle ne nous dit pas. Mais les madianites n'ont jamais été vraiment des amis des Hébreux. Quand on est pas dans l'histoire, ce sont les ennemis des Hébreux. Donc, Moïse va vivre là pendant 40 ans. Va prendre femme, va avoir deux garçons. Et on va voir un peu plus loin, dans quelques minutes, qu'il ne fait pas circoncire ses garçons. Donc, encore quelque part, il n'est pas trop serré sur les traditions juives. Parce que pour lui, il semble qu'il laisse passer. Jusque c'est un point, je ne sais pas s'il vous lève là-bas, on va essayer d'en parler tout à l'heure. Mais il va vivre là pendant ces 40 ans-là. Mais quand il arrive là, j'ai sauté une petite étape, je vous dis, quand il arrive dans le pays des Madianites, il va agir de la même façon. Il voit sept filles qui ont des problèmes avec des bergers, puis ils vont encore avec le marteau, puis boum, bang, bang, bang, bang, tassez-vous, puis on va faire boire les moutons là. Puis lui, c'est lui, c'est Moïse. C'est un gars qui est habitué de runner, c'est un gars qui est habitué de fonctionner. C'est un leader, vraiment, naturel, qui était là dans cette époque-là. Et c'est là qu'il va marier la fille de Jéthro. Là, il va passer 40 ans tournant en rond avec les moutons. 40 ans, à la fin du 40 ans, Dieu va y apparaître à ce Moïse-là, dans un buisson ardent. Et là, pour moi, personnellement, c'est Moïse rencontre Dieu pour la première fois de sa vie. C'est la première fois qu'il est en relation, qu'il est en contact avec ce Dieu-là. On ne le voit jamais ailleurs dans la Bible qui est en contact avec ça. Et rencontrer Dieu comme il l'a fait, ça marque un homme. Une femme aussi, hein? Ça marque une personne. Quand tu te vois, là, tu te fais parler, là, il a baissé la tête, puis il a enlevé ses souliers, puis c'est... Wow. Le gars qui parle. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi d'être en présence. Tous les hommes de l'Ancien Testament qui ont eu des théophanies, qu'on appelle des apparitions de Dieu sur différentes formes, ils tombent tous quasiment morts, tous à terre, tous, ils ont une réaction humaine devant un Dieu qui semble émettre quelque chose de fort, de puissant, quelque chose de grand, quelque chose de qui est pour l'être humain, comme ça dépasse l'être humain. Donc c'est, Moïse n'est pas différent des autres. Donc il va... Mais là, Dieu lui demande, Dieu lui dit, je vais t'envoyer au pays d'Égypte, d'où ce que tu viens, pour sortir mon peuple de là. Là, il ne veut pas y aller. Là, il ne veut pas y aller. Il cherche toutes sortes de façons pour dire non, non, non, non, non, non, non, puis je ne suis pas capable, qui je suis rien, je suis un berger. On peut écrire un autre livre dans le plus capitule, mais il ne voulait pas y aller. Il est assez obstiné que la Bible nous dit que Dieu s'est mis en colère contre lui. C'est mis en colère contre lui. Quand Dieu se met en colère, c'est pas drôle. Il dit, OK, je vais, ton frère Aaron, il s'en vient, là, je l'ai appelé, il s'en vient à ta rencontre, puis il va te servir de bouche. Toi, tu vas être Dieu pour Pharaon, et lui, il va être comme ton prophète. Tu vas jouer le rôle comme Dieu t'a parlé à toi, puis toi, tu t'as parlé à Aaron, puis Aaron va parler à Pharaon. C'est comme ça va marcher. Ah, OK, finalement, mon Moïse accepte, puis il y va. Il décide de partir, puis il va. Puis il emmène sa femme, ses deux gars avec lui, puis ils descendent vers l'Égypte. En descendant, là aussi c'est mystérieux un peu cet événement-là, Dieu vient le visiter pour le tuer. Pour tuer Moïse. Tu dis à toi, mais qu'est-ce que c'est? Tu changes-tu d'idée, là? Quoi? C'est quoi la patate? C'est pas son problème. Mais là, sa femme, Séphora, semble comprendre quelque chose, on ne sait pas trop. Comment ça s'est fait? Elle circoncit le plus vieux, elle prend le prépuce, elle tire ça sur Moïse, elle dit Marie de saint. Ça arrête. Dieu s'en va, c'est fini. Elle dit quoi? Marie de saint. Tu fais couler le saint. C'est-tu Dieu qui permet ça? Pour comprendre, Moïse, tu t'en vas rencontrer mon peuple, un peuple de circoncis, un peuple. Puis toi, tes enfants ne sont même pas circoncis. On peut s'imaginer un paquet d'affaires. Il y en a qui pensent que c'est Aaron qui est arrivé et qui a dit « Retourne-moi cette femme-là, c'est une médianite, les Juifs ne l'accepteront pas. » On ne sait pas trop. Mais on sait une chose, que sa femme ne va pas descendre dans l'Égypte. Séphora retourne chez elle avec ses deux gars. Quand Moïse va sortir de là, de l'Égypte avec le peuple, Jéthro va venir avec sa femme et les deux enfants les rejoindre dans le désert. Donc, elle était, soit Moïse lui a dit, retourne dans la maison, soit ça ne marche pas. Je ne sais pas, on peut s'imaginer un paquet d'affaires. Mais, souvenons-nous que le peuple qui reçoit la loi, la Genèse, c'est quelqu'un qui va avec la loi déjà, qui savent que la circoncision devait être là. Et là, ils voient que Moïse, leur libérateur, n'aurait pas circoncis ses propres enfants. Ça peut avoir un impact sur ceux qui vont venir. Bon, on peut avoir toutes sortes d'idées. Mais une chose est certaine, il y a un lien, là. Il y a un lien avec... Il se bat avec Dieu, sa femme circoncise son plus vieux, tire le prépuce et ça l'arrête. Il y a un lien entre les deux, à quelque part. Il y a un lien entre les deux. Donc, on sait pas, c'est pas facile pour nous autres de comprendre tout le lien. Moi, ma supposition, c'est que quand Moïse a voulu faire, parce que lui-même était circoncis, est-ce qu'il savait qu'il devait circoncir ses enfants, et les Médianites ne circoncisent pas leurs enfants, puis il y a eu un débat entre mari et femme, ça arrive des fois, hein, un débat, puis finalement, il ne disait pas, il ne disait pas circoncis, et Dieu dit, tu devrais circoncire tes enfants. Cette femme-là va se soumettre. Bon. Elle le fait pour sauver la peau, là, sauver sa peau ou la peau de Moïse, je ne sais pas comment, mais c'est pas la première fois, hein, on voit. Dieu va se battre aussi avec Jacob. Jacob va avoir victoire, puis il va déboîter la hanche. Donc, c'est pas la première fois que Dieu intervient dans la vie des gens comme ça. Puis des fois, c'est pas évident de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais Moïse décède finalement, et il va se rendre là, et là, il va délivrer l'Égypte. Dieu va se servir de lui pour délivrer des millions de personnes. On pense qu'il y a environ 2 millions d'Israélites en Égypte, à hommes, femmes et enfants, et qui va les délivrer par des 10 plaies. Comme je disais tout à l'heure, les 10 plaies d'Égypte. Je crois que Moïse apprend autant sur Dieu que le peuple d'Israël apprend sur Dieu. Parce, souvenez-vous quelque chose. Moïse va se lever, là, avec la puissance de Dieu, contre ses anciens dieux à lui aussi. Si les Égyptiens y allaient faire des batailles ou des conquêtes ailleurs, il avait pu avoir des dieux qui... Bien, c'est sûr, c'est la logique qui nous amène là. C'était l'habitude, c'était la culture à ce moment-là. On allait à la guerre avec nos propres dieux. Donc, Moïse va voir le dieu d'Israël, le dieu qui vient de rencontrer dans le buisson ardent, qui va tout d'un coup s'attaquer directement, de façon concrète quasiment, aux 10 dieux que lui peut-être a connus toute sa vie en tant qu'Égyptien. Puis il va voir son dieu, le nouveau Dieu à lequel il a adhéré, puis à lequel il a dit, oui, je vais y aller, je vais sortir ton peuple pour qu'il puisse te servir, j'y vais, j'accepte, j'y vais. Il va le voir battre tous les dieux de ce monde, si je peux dire ça comme ça. Mais en réalité, le vrai Dieu, il fait quoi au juste pour que Dieu pour que Moïse réalise qu'il était Dieu? Le buisson ardent, ça marche. C'est lui, il voit qu'il est. Je crois que le buisson fait comprendre quelque chose de pas humain. Il brûle, mais il ne se consomme pas. Donc, il y a quelque chose qui dit, oh, il y a quelque chose qui se passe. Et là, il entend une voix. Donc, il entend la voix, et Dieu lui parle. Il se présente comme le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. OK, mais là, il n'a pas vu Dieu faire des miracles. Il n'a pas rien vu. Là, il a une buisson ardent, puis ça, il suffit. Mais il va lui dire, non, c'est pas juste ça. Là. Je ne donne pas tous les détails, mais il va lui dire que le bâton que tu as, il va changer en serpent, jette la terre, va changer en serpent. Là, il dit, quand il va te demander c'est qui, mets ta main dans ton sein, ça va devenir lépreux, tu vas lui remonter ta main de lèpre, tu vas la remettre dans son sein, tu vas la sortir correct. Il donne 2-3 signes pour le convaincre lui aussi que c'est le Dieu qui lui parle, c'est le vrai Dieu, là. OK, fait qu'il part avec un petit peu de compréhension que le personnage qui l'envoie là, c'est quelqu'un de spécial. Mais lui, il connaissait, parce que quand il dit, là, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, il connaissait déjà toute cette généalogie-là, lui? C'est ce que je pense que oui, que le peuple a continué à donner ces affaires-là. Mais lui, comment l'as-tu su? Ouais, c'était pas de... Mais c'est pas lui qui dit, c'est Dieu qui dit ça. Mm-hmm. Dieu dit, je suis le père, je suis le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Je suis le Dieu de tes pères. Donc, t'es en train de dire ta descendance, c'est ça. Toi, l'hébreu que tu sais que tu es maintenant, là, mais avec tes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, je suis leur Dieu, là. Je suis ce Dieu-là qui a fait une promesse à ces trois gars-là que je leur donnerai le pays dans lequel je te demande de sortir les Égyptiens, les Juifs de là. Sors-là de là, puis amène-la dans le pays que moi j'ai promis à Abraham, Isaac, Jacob de leur donner. Donc, il y a une continuité dans l'histoire. Et c'est ça qu'on dit, jusqu'où il savait, il ne savait pas, qu'est-ce qu'il connaissait. Mais on sait que Moïse, finalement, il est convaincu que le Dieu qui est devant lui est spécial, c'est un être puissant, fort, et il dit va. Mais il va apprendre aussi à le connaître en le regardant faire, en délivrant de l'Égypte. Du tout, il apprend à connaître ce Dieu-là. Donc, ça, c'est son deuxième 40 ans. Il s'en va vers l'Égypte, et là, il va arriver en Égypte, et comme... Je veux dire, ils vont avoir maintenant une troisième période de 40 ans, c'est la période qui passe au désert. Avec une gang de rebelles qui veulent le tuer. À 2-3 reprises, 3-4 reprises, ils veulent le tuer, ils veulent le lapider, ils veulent s'en débarrasser. Ils l'haïssent en mort, finalement. Ils l'haïssent parce que Ils n'aiment pas la situation dans laquelle ils sont. Et ça, c'est l'être humain. Hein. Dieu là, va les délivrer. Moïse les emmène, il fend la mer, il fait traverser, il les emmène jusqu'aux portes du pays de Canaan. Là, il dit, c'est ça que Dieu va vous donner. Oui, les 12 espions, puis ils reviennent, puis tout ça. Et Caleb, vous savez l'histoire, Caleb, puis Josué, donne. Dieu va nous aider, puis on va les vaincre, même s'ils sont plus gros, plus grands que nous autres. Les 10 autres disent non, on tourne. Et là, Dieu, faut que Dieu intervienne, parce qu'ils vont tuer Aaron et Moïse. Dieu intervient, puis les arrête. Il dit, vous ne voulez pas rentrer? Vous ne croyez pas que je peux vous donner le pays du coup de la lumière? Vous ne le croyez pas. Vous allez rester dans le pays, dans le désert pendant 40 ans. Puis vous allez tous mourir, il dit. Puis c'est marqué qu'ils ont péché par incrédulité. C'est ça leur péché, c'est une incrédulité. Donc, c'est un peuple qui a vu Dieu agir dans l'Égypte, mais qui arrive là, sont devant le pays, devant la promesse, mais ils refusent de rentrer. Ils ne croient pas que le Dieu qui les a sortis de l'Égypte est capable de les délivrer des armées qu'il y a là, des gros murs, de la ville de Jéricho, des géants qu'il y a là. Dieu n'est pas capable. Donc on retourne, ils veulent retourner. Mais Dieu ne les laisse pas retourner en Égypte, mais sinon c'est ça qu'ils aimeraient faire. Mais, vous savez qu'il est rentré là, il fallait-tu qu'ils se battent ou bien, tu sais, quand ils ont sorti d'Égypte, là, c'est l'ange qui a mis, c'est l'ange de la mort qui a passé, qui a tué les amis. Fait que là, ils ont pu partir, mais ils n'ont pas pu à se battre. Là, fallait-tu qu'ils se battent? Oui. Ça, là, la marche est un petit peu plus. Mais c'est une marche. Quand ils vont, la deuxième fois, on va voir qu'ils vont se battre, mais c'est Dieu qui va faire tomber les murailles, c'est Dieu qui va verser. Donc, ils n'étaient pas tout seuls, ils vont se battre, mais c'est comme Dieu dit, je vais vous le donner. Donc, il n'aurait pas dû se poser la question comment ça va se passer, mais juste croire que ça va se passer. Mais devant l'être humain, devant les situations, on est des êtres humains. Donc, la foi, c'est posé de prendre le dessus sur l'humanité, sur la chair, mais des fois, là, pour ces gens-là. Mais ça, c'est le résultat du... qui ont sorti de l'Égypte avec une mauvaise intention, puis ils murmurent pendant 40 ans, pendant tout le voyage. Et là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vont croire tout d'un coup que Dieu va tout faire ça. Bon, ils ne sont pas prêts spirituellement à passer l'étape, ils ne sont juste pas prêts. Ils vont tous mourir là, finalement. Donc, mais Moïse va voir ça. Lui, Moïse, allait au pays, première chose qu'il voit, Dieu dit, viens mon Moïse, monte en montagne, je vais te donner la loi, des règles, des principes de vie pour gérer là, ces 2 millions de personnes-là qui sont des Juifs, et probablement un autre million qui étaient des Égyptiens, de toutes sortes de monde, qui ont suivi les Juifs. Donc, tu n'as peut-être 20%, 30% que ce n'est pas des Juifs. D'autres, ils ne connaissent pas l'histoire des Hébreux, ils ne connaissent pas l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob. Mais ils influencent le monde, nous autres aussi, autour des autres. Okay, donc, si tu vis avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ils vont t'influencer d'une façon quelconque, c'est impossible, ça ne passe pas ça. Donc, ils vont vivre là, et Moïse monte sur la montagne, vous connaissez l'histoire, et Dieu lui donne la loi, et il descend, lui. Mais non, pas tout à fait content, parce que Dieu lui dit, descends, car le peuple que je t'ai fait sortir... Il y a quelque chose qui se passe en bas. Là. Puis Moïse descend, puis il entend la musique, les danses, puis il entend le bordel. Il descend, et il va en bas, puis il voit le veau d'or. Puis les gens qui étaient là dans la débauche, et tout ça. Et plusieurs milliers vont mourir à ce moment-là, à cette fois-là aussi. Donc, Moïse voit l'état spirituel, je pourrais dire, du peuple qui est sorti d'Égypte. Lui, il voit ce qui se passe. Dieu lui dit, tu vas remonter ici en haut, un autre 40 jours, je vais te redonner toute la loi écrite sur les tables, et tu vas redescendre avec ce coup-là. Et Dieu, puis Moïse va vivre avec ce peuple-là pendant 40 ans. Ce peuple qui est toujours en train de murmurer contre Dieu, qui ne croit pas en Dieu, qui chiale Dieu. Dieu donne de l'eau, il y en a pas, c'est pas assez bon. Dieu donne de la viande, c'est pas assez bon. Dieu fait ceci, ça. C'est jamais content, vous savez, c'est pas des êtres humains, c'est jamais content. Et finalement, c'est pendant ce temps-là que Moïse va décider d'écrire la Genèse à ce peuple-là. Et là, son idée, c'est pour emmener le peuple à comprendre ses origines. D'où est-ce que vous venez, vous autres? Pourquoi vous êtes ici, dans ce désert? C'est difficile. C'est pas pour rien qu'ils sont pas dans un pays où ils sont dans un désert, la vie n'est pas trop facile. pour la voix quand on lit l'histoire. Et moi, je n'ai pas de misère à m'identifier avec eux. Moi, quand j'avais 21 ans, 22 ans, je blâmais Dieu de la souffrance, de la mort. Je blâmais Dieu des difficultés de la vie. Dieu avait créé un monde, dans mon analyse du monde dans lequel je vivais, c'était un bordel. Ça ne fonctionnait pas bien. Puis c'était Dieu qui l'avait fait, ce monde-là, donc il en était coupable. Puis ça me surprend, puis j'écoute le monde autour de moi aujourd'hui, puis c'est encore de même. Donc, hein, ces hommes-là et ces femmes-là qui sont dans le désert, tu viens nous dire que Dieu nous aime, Moïse? Tu viens nous dire que Dieu veut nous bénir? Qu'est-ce qu'on fait ici, là, dans le désert? On est pire qu'on aurait dû rester en Égypte, c'est pire ici que dans l'Égypte. En Égypte, au moins, on avait des cocons, puis je vais en bas, manger. On avait quelque chose. Et pour les autres, Moïse, je crois que Moïse, dans. Hey, l'Esprit de Dieu va agir aussi Moïse, l'inspiration va se mettre dans le jeu. Mais il veut dire, je vais vous dire, Israël, pourquoi vous êtes ici. Je vais vous dire pourquoi vous êtes ici. Puis c'est votre faute si vous êtes ici. C'est votre faute à vous. Vous avez. Je vais vous conter l'histoire, et les deux bras vont vous tomber. C'est votre faute à vous si vous êtes ici. Mais je me souviens, quand j'ai lu la Bible le premier temps, j'ai réalisé que la marque dans laquelle j'étais, c'était une marque forte dans moi, en tant qu'être humain. Les deux vraiment dans ma terre. Finalement, je n'avais plus personne à qui blâmer. J'étais obligé de m'admettre que c'était ma faute dans moi, en tant qu'humain. Si on était dans la merde, c'était à cause de moi. Et là, tu n'es plus en position de crier après Dieu, autant qu'humain. Parce que tout d'un coup, tu dis, c'est ma faute. Tu réalises que c'est toi qui as péché contre Dieu et c'est à cause de ce péché-là que c'est comme ça sur la terre. Donc, c'est tout d'un coup, ce peuple-là va lire le livre, mettons, juste reculer quelques pas, Moïse, qui était très orgueilleux à la fin, humble à la fin. À la fin du deuxième, 40 ans, la Bible va dire à ce moment-là, à cette époque-là, que Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. Il n'y aura jamais un autre homme sur la terre aussi humble que Moïse. Après ses 40 ans dans le temple. Puis sa vision avec Dieu, je pense la rencontre avec Dieu qu'il avait vécu. Parce que tu sais quoi, ce n'est pas les moutons qui l'ont changé, ce n'est pas le désert qui l'a changé. C'est la rencontre avec Dieu qui l'a changé. Le fait que Moïse, il y avait même le que sont un peuple de Dieu. Pourquoi Moïse a mentionné la création, vu que Dieu est le créateur de toutes les autres nations, pourquoi qu'il donne autant de détails sur la création, premier jour, deuxième jour, tout ça, quand il aurait pu partir d'Abraham, quand il est allé chercher Abraham? Ça n'aurait pas expliqué l'histoire. Donc, parce que Dieu, on sait qu'il est le créateur, mais il n'est pas juste d'eux autres, il est de tous. Parce que les autres sont élevés avec les Égyptiens, les Juifs. Toutes les cultures ont une forme de création dans leur histoire. Mais il dit, moi, je vais vous donner la vraie histoire de la création. Puis je vais vous dire pourquoi Dieu a créé le monde. C'est pas juste que Dieu a créé le monde. Parce que les gens vont dire, ah, mon gars, c'est ça, il y a un créateur. Oui, il y a un créateur, ça ne peut plus avoir commencé par rien, il y a un créateur. Mais c'est pas notre créateur, puis c'est pas la même raison que nous. OK? Moi, ma raison pourquoi Dieu, aujourd'hui, à cause que je connais la Bible, Dieu n'a pas créé le monde avec la pensée qu'on veut nous dire aujourd'hui dans les religions de ce monde. Parce que les religions de ce monde qui parlent d'un Dieu créateur, elles n'amènent pas la même raison que la Bible. Pourquoi Dieu a créé le monde? Avec quelle intention il l'a créé? Avec quel but il l'a créé? Donc, Moïse va dire, je vais vous montrer là, que Dieu a fait grâce en allant chercher Abraham. Là, Dieu a fait une grâce, là, parce qu'il y aurait dû, vous avez dû être tous morts avant. Je vais vous conter l'histoire. On aurait dû être tous morts avant. Là. Donc, je crois que c'est l'histoire de l'Apocalypse, de la Genèse, est très humiliante pour l'être humain. Nous, on la lit souvent pour la connaissance scientifique, tout ça, mais ça nous humilie de voir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous a créés. Ça nous humilie de voir nos limites. Sinon, nous autres, on veut se présenter par tous les médias qu'on est sans limite. On peut aller vivre sur la planète Mars, si on veut. Puis on est sans limite, nous autres, les êtres humains. On est chef de notre bateau. On est capable de jouer. C'est ça, notre pouvoir. Non, Dieu, non. Non, je vais vous conter l'histoire. L'histoire de la création. Vous allez retrouver dans la création, les six jours de la création, Dieu va s'attaquer, Moïse va parler encore des Égyptiens, des dieux égyptiens. Chaque jour de la création confronte entre leurs dieux aussi. Vous pensez que le soleil, je vais vous présenter le gars qui a fait le soleil. Vous avez un dieu de la lune, je vais vous présenter le gars qui a fait la lune. Vous avez un dieu de l'eau, je vais vous présenter le gars qui a créé l'eau. Fait que vos foutus idoles que vous avez dans vos poches, laissez-les tomber dans le désert. Ça sert à rien, c'est le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte qui a créé tout ce monde-là, puis c'est lui qui en a établi les règles. Donc vos dieux, ça donne à rien de prier le Dieu du Nil, c'est pas lui qui l'a créé le Nil. Vous présentez le gars qui l'a créé le Nil, moi. C'est pour ça qu'il faut faire ça. Il va leur présenter celui qui a créé le monde. Dites, tout ce que vous voyez ici alentour, là, c'est le gars que je vais vous présenter, là, lui qui l'a fait. Je vais vous dire pourquoi il l'a fait. Mais quelle intention qu'il avait quand il l'a fait? Très bonne réponse, François. Ben, c'est la Bible. Oui, c'est fameux. C'est la Bible. Et quand tu vois ça, là, vous savez que tous nos jours de la semaine, c'est des dieux grecs, hein, aussi. Lune, Mars. Lundi, mardi, mercredi, là, c'est tous des noms qui représentent des dieux ça, dans c'est la société. C'est pas les anciennes cultures. C'est pas les planètes? Mais Vénus, c'était un dieu. Le dieu Vénus, c'était des dieux. C'était des dieux, ça aussi. Donc, la culture imprégnait tous les petits domaines de nos vies là, dans ce temps-là aussi. Là. Même comment tu te coupais la barbe, comment tu t'habillais, comment tu semais tes graines dans le jardin. Tout était réglé par des dieux ou des religions quelconques. Nous, on ne connaît plus ça. Là. On ne connaît plus ça. D'autres, c'est la science, notre dieu de ce siècle. Là. C'est la science qui décide qu'est-ce qui est bon. Et c'est moi qui ai fait le body, je sais ce qui est bon. C'est moi qui ai créé le monde, je sais ce qui est bon. C'est pas qu'on n'a pas besoin de la science, mais on doit jamais mettre la science tout seul dans l'équation. Dans notre équation, peu importe la question qu'on pose, dans l'équation, il faut mettre Dieu. Mais c'est parce que la science va expliquer ça, mais ça arrive parce que Dieu était là. Parce que c'est Dieu qui l'a bien voulu comme ça, qui l'a créé comme ça. Si tu vois des règles en nature, mais qui a fait les règles? C'est faut-tu mettre ça? Mais en même temps, si je mets Dieu dans l'équation pour savoir, il faut que je mette Dieu dans l'équation de la réponse. Si je ne la mets pas dans la question, d'où est-ce que je viens, si je ne mets pas Dieu dans la question, mais je ne pourrais pas mettre Dieu dans la réponse de ce que je fais ici. Il faut que je fasse les deux. Et quand nous autres, on a des questions dans la vie, il faut toujours mettre Dieu dans l'équation à quelque part. Sans ça, ça ne marche pas. On ne peut pas prendre nos décisions tout seul. Il faut mettre Dieu dans toutes nos décisions. Dieu, il fait quoi avec ça? Il veut quoi? Ça fait quoi, ça, dans le plan de Dieu, toute cette histoire-là? Parce qu'on va voir ensemble que le but de Moïse, je veux vous présenter, puis je veux que vous compreniez ce que vous faites ici. Si vous ne comprenez pas bien ce que vous faites ici, vous ne comprendrez pas bien ce que vous allez faire dans le pays canadien quand vous allez rentrer. Vous devez comprendre d'où ce que vous venez, si vous voulez comprendre ce que vous allez faire dans le pays canadien. Et vu qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient dû faire dans le pays canadien non plus. Ça ne nous ramène pas encore une fois, les 40 ans tôt, tu te souviens, puis ça demande, mais pourquoi... Où est-il vraiment ton Dieu? Tu dis qu'il va nous sortir, il garde dans la misère dans laquelle on est pendant 40 ans. Mais encore une fois, on revient à rester attaché malgré tout, continuer à avoir la foi, malgré tout ce qui se passe autour, malgré tout ce que... Oui, parce que Dieu donne toujours, je vais vous laisser ici, d'aller mourir ici dans le désert, vos enfants vont rentrer. Donc il donne toujours un espoir, toujours un futur. Quand il va parler à ses enfants qui ne font pas ce qu'ils veulent, dans le pays canadien, il va mettre un autre, il va ramener l'espérance encore une fois, il va toujours ramener, quand il fait un jugement, il amène toujours en même temps un espoir pour que les gens voient. Quand ils les ont sortis, là, quand il les a sortis, c'était pour qu'ils s'en aillent dans ce pays-là, mais ils ont tellement maugréé que que c'est là qu'a fait que Dieu a mis sa conséquence, que vous allez finalement mourir ici, et ce sont vos enfants. Pas tout à fait de même. C'est pas parce qu'on m'a créé. Le maugré est venu après le fait qu'ils ont refusé d'entrer. Ils n'ont pas maugré parce qu'avant de rentrer. Ils ont mis à la porte et ils ont dit, je vais vous faire entrer, je vais vous donner le pays. Non, tu le feras. Ils ont muré pendant 40 ans. Non, mais après, c'est après qu'ils ont, ils ont allé avant, au début, avant 40 ans, là, au début du 40 ans, ils sont allés à la porte. Okay. Et Dieu dit, je vais vous donner le pays. Ouais. Non, ils ne créent pas. Là, ils ont commencé à murmurer, c'est clair. Okay? Ah, ils n'ont pas eu le pays parce qu'ils murmuraient. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu, par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous offrait, je vais vous le donner. Je vais vous m'en occuper moi, de tout ce monde-là, là, que là, vous me connaissez, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Non? Et il dit, non, je ne crois pas. Alors, là, vous allez rester ici. Là, ils ont commencé à murmurer. Okay? C'est là qu'ils ont commencé à murmurer. Mais ils ont murmuré sans raison, parce qu'ils avaient offert de rentrer. Donc, c'est l'idée. Donc, là, on a une idée du peuple. On a une idée du gars, de Moïse, qui va écrire. Mais Moïse, c'est pas plus ce qu'il savait. Non, faut pas voir Jésus, faut pas voir trop Jésus là-dedans, faut pas voir trop les affaires, puis le Saint-Esprit, puis faut pas emmener trop d'affaires du Nouveau Testament dans Genèse qu'on va étudier. Là. La dernière fois qu'on l'a fait ensemble, j'en ai emmené trop encore une fois. On va en enlever, si vous voulez, c'est en passant. On va en enlever des choses que j'ai emmenées qui venaient d'ailleurs, parce qu'on l'a dans notre tête. Donc, on va essayer de voir seulement ce que Moïse a voulu bien leur dire à ces gens-là. Ce que lui savait. Puis on a vu qu'il n'en savait pas beaucoup. Il l'a appris à connaître Dieu à son âme. Moi, c'est ce que je trouve fantastique de voir que Dieu a pris ce gars-là complètement ignorant. Puis tu vas te monter qui je suis. Suis mon nom. Vas-y, moi, je t'emmène. On va te faire un voyage. On va te faire connaître qui je suis à travers ta vie. On va te prendre encore un autre 40-50 ans. Mais tu meurs, tu vas en savoir un peu plus. Donc, le voyage de la vie, c'est juste une chose, c'est de connaître le Dieu qui nous a créés. On est là pour ça. C'est pour connaître le Dieu qui nous a créés. Donc, il dit, je vais t'emmener à cela. La semaine prochaine, on va regarder ensemble le chapitre 1. On va faire le but qu'on pourrait faire. Je pense qu'on va pouvoir le faire dans un coup. Donc, on va regarder ce Dieu-là qui que Dieu. Puis là, on peut se poser la question, posez-vous la question cette semaine. Comment est-ce que Moïse a su ça? Chapitre 1 de Genèse, vous voulez dire? Genèse 1. Comment est-ce que Moïse a su comment Dieu a créé le monde? T'as pas là. Puis, Moïse est venu après le déluge. Tout le monde là était mort. Comment est-ce qu'il a su, lui, qu'est-ce qui s'est passé dans le paradis, avec Adam et Ève? Comment il a su ça? Je vous laisse avec ça. Pensez-y, réfléchissez à ça. Écrivez pas trop les pas de livres, là, parce qu'on va le réfléchir. Faire avoir une idée, tu sais, ben, moi je pense que c'est comme ça. Vous avez toi d'avoir l'imagination, je ne dis pas de ne pas avoir l'imagination, mais de dire, je n'ai pas d'envie de ça. Ben, je pense que ça pourrait être de même, mais ce n'est pas écrit de même dans la Bible. Mais ça peut vous donner une idée, comment un gars qui s'est passé 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, comment après 10, 15 ans, comment il peut avoir. Je pense qu'il s'est assis et qu'il a écrit la Genèse. Comment est-ce qu'il a su ça? D'où est-ce qu'il est allé chercher son information? De différentes façons de le voir. Donc, vous pourrez lire, si vous voulez, les livres d'Exode au complet, une autre fois. Ça va peut-être vous donner des idées. Comment est-ce que Moïse a su? Comment est-ce qu'il a-tu des indices? Comment est-ce qu'il a su? Comment est-ce qu'il a entendu? Qui a côtoyé? Parce que moi, j'apprends par les gens que je côtoie aussi. Là. Qui a côtoyé? Y a-tu appris de Jéthro? Y a-tu appris d'Aaron? Y a-tu appris des choses de ces gens-là? Parmi les 2 millions qui étaient là, il a-tu appris des choses, deux autres? Dieu, il a-tu apparu? Écrivez-vous un petit texte, là, dites, moi, je pense que ça aurait pu se passer comme ça. Mais faites la différence entre ce que vous pensez et ce qui est écrit. Okay? Pour comprendre vos pensées pour l'écrit. Okay? Donc, c'est pour attention. Donc, on va terminer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, il est bon de voir à quel point ta grandeur, ta souveraineté, avec un peuple, avec un homme, sa mère, sa sœur, tu contrôles le monde dans lequel nous vivons. Et le monde dans lequel nous sommes a été établi, et tu en as établi aussi les règles et les fonctionnements. Mais nous sommes aussi des hommes comme Moïse, plein de difficultés, plein de doutes, plein d'appréhensions, plein d'ignorance dans bien des domaines. Mais surtout, Seigneur, je prie que ces quelques semaines qu'on va passer dans la Genèse puissent encore nous emmener à bien connaître le Dieu que nous déclarons servir. Bien connaître le Dieu qui nous a mis dans ce monde et pourquoi il nous a mis là. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ici? Puisses-tu, Seigneur, te glorifier comme tu t'es glorifié dans la vie de Moïse et du peuple d'Israël. Amen. Amen. Gaëtan. Merci encore, François, pour ces instants qu'on a passés à connaître Dieu davantage. Mm-hmm. J'aimerais vous lire un court passage dans Ésaïe. Ça dit, il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est souciée de qui il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec les riches. Quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Et c'est qu'est-ce que l'Éternel, notre Dieu, a voulu le briser par la souffrance. C'est qu'est-ce que Ésaïe nous dit. Et nous, en prenant ce repas, on se rappelle les dernières heures qui ont passé ici, sur la terre. Et c'est qu'est-ce qu'il nous dit? Fais ceci en mémoire de moi. Dans Jean 19, on lit au début du chapitre que Pilate, il a pris Jésus et il l'a fait flageller. Ensuite, les soldats, ils l'ont pris, ils ont tressé une couronne d'épines, puis ils l'ont mis sur la tête. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont craché au visage. Ils l'ont giflé. Puis, une lance a percé son corps. Il a pris... Les soldats, ils l'ont pris la croix, ils l'ont chargé de sa croix. Il a monté la croix juste qu'au lieu qui devait être crucifié. Puis tout ça, sans rien dire, sans ouvrir la bouche. Car c'est ça qu'il voulait. Il savait qu'il était venu pour ça. C'est de ces dernières heures-là qui a passé sur la terre qu'il veut qu'on se rappelle. Et c'est pour ça que nous prenons le repas. Je demanderai à Michel et Gisèle s'ils veulent passer. Jésus est avec ses disciples, il sait qu'il lui reste quelques heures à vivre. Il sait ce que va être la suite. Il est au courant de tout ça. Mais il se rend jusqu'à la mort de la croix. Donc, il prend le pain, il le rompit, le sépara et le donna à ses disciples, en disant, « Ceci est mon corps, livré pour vous. Mangez. » Ensuite, il prit la coupe, il la partagea aussi avec ses disciples, en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. » Il nous dit de faire cela en mémoire de lui. Et vous. Un frère ou une sœur qui aimerait prier le Seigneur. C'est bon de se rappeler que notre rachat a coûté un grand prix. C'est gratuit le salut pour nous. Mais il y a quelqu'un qui a payé un prix pour qu'on puisse l'avoir. Et devant la souffrance, comme Isaïe nous l'a annoncé, il a plu à l'Éternel de le faire souffrir. Pas plus dans le sens plaisir, mais plus dans le sens de volonté. C'était la volonté qu'il souffre pour les coupables, pour les péchés du peuple. Quand on regarde, tu nous rappelles que les péchés que nous avons, que l'homme fait, ça fait souffrir, parce que Jésus a souffert pour ses péchés. Les souffrances que l'être humain subit viennent du péché parce que Jésus les a subies. Et la mort aussi, c'est le résultat du péché. C'est le résultat d'avoir désobéi à ce que tu avais dit. Tu as accepté, Seigneur Jésus, de prendre notre place, de prendre ma place. Parce que tu sais que je n'aurais pas pu subsister, je n'aurais pas pu passer au travers ces souffrances et cette mort. Mais tu l'as fait pour ton peuple. Tu l'as fait pour tes enfants. Et on s'en rappelle encore aujourd'hui. On s'en souvient. Ô Seigneur, donne-nous de ne jamais oublier. Donne-nous de ne jamais oublier. Quand on y pense, semaine après semaine, jour après jour, la seule raison pourquoi on peut se mettre à genoux devant toi, te parler, t'adorer, te louer, c'est à cause de ce que Jésus a fait. Où notre Dieu, peux-tu être tellement élevé dans nos cœurs, dans nos pensées, que nos vies vont être un sujet de louange pour toi.